السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن cette soirée du samedi 14 محرم 1430 ou bien 13 محرم 1430 d'après la divergence qu'il y a, ce qui concorde avec le 10 janvier 2009. Nous sommes toujours avec l'Aqid al-Wasitiya au deuxième tome, avec le 28e cours. Nous sommes au point des 12 grands événements qui auront lieu le jour de la résurrection. On avait parlé du premier, que c'était les âmes reviendraient dans le corps, les corps. Deuxièmement, on avait dit que les gens se lèveraient pour aller rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala nu, pieds nus et incirconcis. Le troisième grand événement, c'est-à-dire que le soleil se rapprochera des gens. Le quatrième grand événement, c'est-à-dire que ils vont être yannis, si je puis dire, englobé ou envahi par la sueur. Certains vont même se noyer. Cinquièmement, فَتُنْسَبُ الْمَوَزِينَ. On avait dit que les balances seraient installées. Sixièmement, تُنْشَرُ الدَّوَوِينَ. Les registres seront publiés. Et c'est là qu'on s'est arrêté بِإِذْنِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. C'est là qu'on s'est arrêté بِإِذْنِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. Donc on avait dit que les registres, chacun lira son registre. On avait dit comment les anges écrivent dans ces registres, comment qu'ils écrivent les bonnes œuvres et comment qu'ils écrivent les mauvaises œuvres. Et ces registres, vous savez que on a tous un livre, une sorte de livre, un écrit comme ça, qui nous sera collé au cou. Et c'est avec ce petit livre qu'on rentrera dans la tombe et que on rencontrera Allah subhanahu wa ta'ala yawm al-qiyamah. Yawm al-qiyamah, Allah subhanahu wa ta'ala te dira: "Iqra' kitabaka kafa bi nafsika al-yawma 'alayka hasiba." Lis ton livre et regarde ce que tu as fait. Naam. Et il te suffit d'être comptable pour toi-même. Ce n'est pas la peine qu'on ait besoin d'un comptable qui va venir compter quelles sont tes fautes et quelles sont tes bonnes œuvres. Dis toi-même et Inch'Allah Ta'ala, tu sauras ce que tu as fait. Bon, quant à aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala, le dars, c'est quoi? C'est septièmement et huitièmement. Inch'Allah Ta'ala. Le septièmement, c'est quoi? C'est, il a dit, وَيُحَاسِبُ اللَّهُ الْخَلَائِقِ. وَيُحَاسِبُ اللَّهُ الْخَلَائِقِ. C'est-à-dire que Allah Ta'ala va juger les créatures. Et huitièmement, si on peut, c'est quoi? On va parler du bassin du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc on commence par septièmement. Il a dit: وَيُحَاسِبُ اللَّهُ الْخَلَائِقِ. Allah Azza wa Jal demandera des comptes aux créatures. Allah Azza wa Jal va juger les créatures. Allah subhanahu wa ta'ala va juger les créatures. Naam. طيب. Quand il a dit وَيُحَاسِبُ اللَّهُ الْخَلَائِقِ. Allah Azza wa Jal va juger les gens. Je vais lire d'abord, ensuite j'explique. Il a dit: وَيَخْلُو. ويخلو بعبده المؤمن فيقرره بذنوبه. Il a dit aussi que Allah subhanahu wa ta'ala parlera en secret à sa créature et lui fera reconnaître ses péchés. Il a dit كما وصف كما وصف ذلك في الكتاب والسنة. Il a dit comme c'est dans le livre et la sunna. وأما الكفار فلا يحسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته فإنهم لا حسنات لا حسنات لهم ولكن تعد أعمالهم فتحصى فيوقفون عليها و يقرون بها ويخسون بها. الله سبحانه وتعالى العافية. Quant aux kuffars, il a dit, ce n'est pas le même cas. Les kuffars, comme vous savez, seulement Allah Azzawajal va leur montrer aussi quelles sont leurs fautes. Ensuite, quand leurs actes seront dénombrés, ils seront informés et ils seront obligés de reconnaître ce qu'ils ont fait et ils seront rétribués et avilés. On va commencer, comme j'ai dit, petit à petit. Lorsqu'il a dit, وَيُحَاسِبُ اللَّهُ الْخَلَائِقُ. C'est quoi le jugement? Qu'est-ce que ça veut dire ici, juger? Qu'est-ce que ça veut dire demander des comptes? C'est tout juste que Allah subhanahu wa ta'ala va te montrer toutes tes œuvres, va te montrer tout ce que tu as fait dans cette vie. Car tout ce qu'on a fait est inscrit. Tout ce qu'on a dit, ce qu'on a fait est inscrit dans un livre. Donc Allah subhanahu wa ta'ala va te montrer qu'est-ce qu'il y a dans ce livre et tu vas le lire comme on a vu tout à l'heure. Il a dit وَقَدْ دَلَّ عَلِي الْكِتَابُ سُنَّهُ الْإِجْمَعُ الْعَقْ. La preuve que Allah ta'ala va nous juger et nous montrer tout ce qu'on a fait, ces preuves se trouvent dans le Coran, dans la Sunna, dans le consensus et dans le raisonnement. Premièrement, dans le Coran. Allah ta'ala dit dans le Coran فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا. Inshiqaq 7. Il a dit, celui qui recevra son livre de sa main droite sera soumis à un jugement facile. Celui qui recevra son livre de sa main droite sera soumis à un jugement facile. Donc voilà la preuve. La preuve dans le Coran, Allah Ta'ala a dit, il sera soumis à un jugement facile. Voilà la preuve dans le Coran qu'il y a le jugement. Naam. Ensuite, dans la Sunna, il a dit, فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بعدة أحاديث أن الله تعالى يحاسب الخلائق. الشيخ بن عثيمين رحمه الله dit, il y a beaucoup de hadith qui disent que Allah subhanahu wa ta'ala va juger les gens le jour du jugement dernier. الشيخ الله يرحمه الشيخ بن عثيمين n'a pas cité de hadith. Je vais vous en citer un. Il est très connu, tout le monde le connaît. Où le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم a dit, أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة صلاته. Il a dit, la première des choses sur laquelle sera jugé le serviteur le jour de la résurrection, c'est quoi? C'est la salat. Salato. Donc il a dit, il sera jugé. Donc la première des choses sur laquelle sera jugé, sur laquelle le serviteur doit rendre des comptes, c'est quoi? C'est la salat. Subhanallah al-Azim. Tellement c'est important. Car quand on commence à par exemple, questionner notre enfant sur les fautes qu'il a fait ou là, une personne, là, on commence toujours par la chose la plus grave. On ne commence pas par les choses simples. Hein? On ne commence pas par les choses simples. On imagine que, attendez, si je donne un exemple très simple, par exemple, si notre enfant avait, par exemple, volé quelqu'un, et en même temps avait quoi? Avait par exemple dit comme ça une mauvaise chose à quelqu'un. Non, on va commencer par lui dire pourquoi tu as volé. Non, on commence par la chose la plus grave. Pourquoi tu as volé? C'est pour ça que Yom al-Qiyam, on commence par la salat. C'est la chose la plus importante. Non, dans quoi? Dans le din. L'une des choses les plus importantes après la shahada. Il a dit in kanat tammatan kutibat lahu tamma. Il a dit alayhi salam, la première chose dans laquelle sur laquelle sera jugé l'être humain, Yom al-Qiyamah, c'est la salat. Il a dit, si elle sera parfaite, si elle était parfaite, elle va lui être écrite parfaite, yani complète. فَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَتْمَّهَا. Et maintenant, si jamais elle n'était pas complète, قال الله تعالى للملائكة انظروا هل تجدون لعبد من تطوع. Alors Allah Azza wa Jal dira aux anges, regardez, cherchez, est-ce que mon serviteur a des nafilas, a des prières surérogatoires? il a dit, regardez si mon serviteur a des prières surrogatoires, vous allez lui compléter la salat qui lui manque. Il a dit ensuite la zakat est comme ça. C'est un hadith bien sûr sahih. Vous pouvez le voir dans le 2574, dans Sahih al-Jami', Cheikh al-Albani rahimahullah. C'est pour ça que ceux qui ne font pas de nafila, ceux qui ne font pas de salat, de prière surérogatoire, ils se suffisent seulement aux prières obligatoires et ils disent que l'essentiel c'est l'obligatoire. Nafila c'est comme tu veux, tu fais ou tu fais pas, on leur dit ça, c'est vrai. Mais prouve-nous que ta salat obligatoire, prouve-nous qu'elle est complète et qu'elle est parfaite. Si tu es sûr maintenant que ta salat est parfaite et complète, là ça ne fait pas la nafila. Si tu es sûr que depuis que tu dis Allahu Akbar, tu ne penses à rien, seulement à l'enfer, au paradis, aux anges, à la tombe, je te dirais Barakallahu Fik, alors toi tu n'as pas besoin de nafila. Mais qui de nous, quand il rentre dans la salat, ne pense pas à ses enfants, ne pense pas à ce qu'il va manger, ne pense pas à des choses de la vie qui n'ont rien à voir avec la salat. C'est pour ça que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith authentique, ne te sera écrit de ta salat, c'est-à-dire ne te sera compté de ta salat que les moments où ton esprit était présent. Je l'ai expliqué, je le réexplique. Quand tu dis Allahu Akbar, c'est comme si, je donne un exemple, c'est tout, ce n'est pas vrai, juste pour que vous compreniez. C'est comme si il y a un compteur qui commence à tourner. Le compteur commence à compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. À chaque fois que tu penses à autre chose qui n'a rien à voir avec l'au-delà, ni la salat, ni rien, le compteur s'arrête. Jusqu'à ce que tu te rappelles, tu te dis, je suis dans la salat, tu reviens dans ta salat. Alors là, le compteur va redémarrer. Et comme ça. Alors imaginez combien de gens, peut-être que, comme a dit le messager d'Allah, il ne leur écrit que le quart, le tiers, le cinquième, le sixième, le septième, le huitième. Et il y en a peut-être qui sortent, qui n'ont rien de la salat que quoi. Ils se sont inclinés et ils se sont prosternés. Al-Muhim. Alors ce jour-là, quand la personne verra que sa salat est vraiment manquante, Allah Ta'ala va dire aux anges, regardez, est-ce qu'il a des nafila? Ils vont voir et ils vont dire, ya Allah, celui-là, il avait des prières surérogatoires. Allah Ta'ala va dire, alors complétez l'autre, complétez la prière obligatoire avec ces prières-là. Mais celui qui n'en a pas, qu'est-ce qu'il va faire? Ça veut dire qu'il a perdu déjà dans l'examen de la salat. Le test de la salat, il l'a perdu. Et c'est le test le plus important. C'est le test le plus important. Quant au consensus, فَإِنَّهُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ بَيْنَ الْأُمَّةِ إِنَّ اللَّهَ تَعَلَى يُحَاسِبُ الْخَلَائِقِ. Il a dit, quant au consensus, il a dit, les savants sont unanimes. Pour dire quoi? Pour dire que Allah Ta'ala va juger ses serviteurs le jour de la résurrection. Quant au raisonnement, أَمَّا الْعَقْلِ فَوَاضِحِ. C'est très clair. Clair. لِأَنَّنَا كُلِّفْنَا بِعَمَلِي بِعَمَلِي بعمل عفوا لأننا كلفنا بعمل فعلا وتركا وتصديقا والعقل والحكمة تقتضيان أن من كلف بعمل فإنه يحاسب عليه ويناقش فيه. Quel est le délil du raisonnement? Le délil du raisonnement, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné de faire des choses et de délaisser des choses et de croire en des choses. Maintenant, il a dit, la sagesse et le raisonnement veut que toute personne qui a été commandé de faire des choses ou de délaisser des choses et de croire en certaines choses, la raison veut que cette personne, il faut qu'elle rende des comptes. Sinon, à quoi ça sert que Allah subhanahu wa ta'ala te dise de faire des choses et de t'éloigner des choses? Ensuite, il te laissera comme ça sans te demander des comptes. Quoique Allah azza wa jalla sait tout, bien sûr, mais c'est pourquoi il demande des comptes, parce que la personne ne veut pas reconnaître si Allah ta'ala vous voulez, Yom al-Qiyam, il te dirait directement, toi va en enfer, toi au paradis, toi en enfer, toi au paradis, comme ça. Mais sûrement que toutes les personnes auxquelles Allah Ta'ala va dire toi en enfer, ne va pas accepter. Il va dire, non, ya Allah, c'est pas vrai. Moi, toute ma vie, je l'ai passé dans la mosquée, je l'ai passé, tout mon argent, je l'ai donné, c'est billah, comment je vais en enfer? Moi, je dormais pas la nuit, je jeûnais, je ceci, cela. Alors Allah Ta'ala va te montrer. Il va te dire, regarde ce qu'il y a dans le livre, voilà ce que tu as vu, voilà ce que tu as vu, voilà ce que tu as fait. Il va te rappeler les choses que tu as même oubliées. Naam. Maintenant, quand Ibn Taymiyyah a dit, Yuhasibullahu al-Khala'iq, Allah Ta'ala jugera les créatures. Il a dit, les créatures, ça englobe toutes les créatures. Illa annahu yustatna min dhalika man yadkhuluna al-jannata bila hisab wa la adhab. Il a dit, toutes les créatures, Allah Ta'ala leur demandera, hein, quoi? Leur demandera des comptes. Pourquoi tu fais cela? Qu'as-tu fait ceci, cela? Il a dit, sauf, on va accepter ceux qui vont rentrer au paradis sans jugement ni châtiment. Comme c'est dans le Bukhari au Muslim. Que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a cité que Dakara, anna sab'ina alfan yadkhuluna al-jannata bila hisab wa la adhab, que 70 000 personnes vont rentrer au paradis, naam, sans jugement et sans quoi, et sans châtiment, naam, sans jugement et sans châtiment, c'est-à-dire directement au paradis. Allahu Akbar. Ceux-là vraiment, yani, ils sont, yani, vraiment, ils ont un statut particulier. 70 000 vont rentrer directement au paradis. Subhanallah al-Azim. Qui c'est ces 70 000? Wa humul ladina la yastarqun. Ce sont ceux qui ne demandent pas aux gens de faire la ruqya. Wa la yaktawun. Ce sont ceux qui ne se... Je ne sais pas si on dit brûler. Ils ne se brûlent pas. Hein? C'est comme si certains, yani, va prendre quelque chose, quelque chose de fer comme ça, une barre de fer, il va la réchauffer, ensuite il va mettre ça sur sa plaie. Il a dit, ils ne font pas cela. Ils ne sont pas superstitieux. C'est pas la peine de réexpliquer que quand le messager d'Allah a dit, la yastarqun, pourquoi? Parce que celui qui demande la ruqya, c'est toujours, yani, quelqu'un qui est bas. Et celui qui fait la ruqya, c'est toujours quelqu'un de plus haut. L'islam ne veut pas que tu t'avilisses. L'islam ne veut pas que tu demandes des choses aux gens. C'est pour ça qu'il a dit que la ruqya, que quelqu'un fasse la ruqya lui-même. Que quelqu'un, que chacun fasse la ruqya à lui-même. Naam. Maintenant, si quelqu'un est vraiment malade, il lui est permis de demander la ruqya. Comme la femme, hadith, je crois qu'il est dans le Bukhari, c'est un hadith authentique, qui est allé au messager d'Allah et qui lui a dit, hein, yani, que je tombe et je me découvre. Je tombe et je me découvre, via Rasulullah, yani, cherchez-moi la solution. Je tombe et je me découvre. Naam. Le messager d'Allah lui a demandé de patienter, et qu'elle avait le paradis, elle a demandé, d'accord, je patiente, à condition que, faites-moi des doigts pour que quand je tombe, quoi, quand je tombe, je ne me découvre pas. Regardez la foi, subhanallah al-Azim, elle accepte quoi? Elle accepte de rester malade, mais demande seulement que, quoi, qu'il fasse des doigts pour que sa aura ne se, yani, reste toujours cachée. Regardez la foi d'autrefois, yani, on cherche beaucoup, on donne beaucoup plus d'importance au fait, naam, qu'on ne se découvre pas, naam, on donne à ça plus d'importance qu'au fait de vouloir guérir. Subhanallah al-Azim, la foi des salafs, radiyallahu ta'ala anhum. Al-Muhim, car le message d'Allah avait dit à cette femme, si tu veux, je fais des doigts, naam, tu seras guéri, mais si tu veux, patiente et tu auras le paradis, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Al-Muhim, quand quelqu'un est dans la daroura, il lui est permis de faire la ruqya. Et la même chose pour ce que j'ai dit tout à l'heure pour la brûlure. Les savants ont dit que certains faisaient ça sans raison. Mais maintenant, ça a été prouvé, premièrement par la science, par la médecine. Et deuxièmement, il y a un autre hadith qui dit, il n'y a pas comme trois choses dans la guérison. Il n'y a pas comme trois choses. Et il a cité le fait de se brûler. Quand j'ai dit brûler, vous savez ce que ça veut dire, hein? C'est pas se brûler, yani, comme font les hindous, etc. ils jettent de l'essence sur eux et ensuite ils se brûlent. C'est pas ça. C'est mettre quelque chose comme ça. Le kay, naam, le kay. Je sais pas comment on dit ça en français, le kay. Il met quelque chose comme ça sur. Qui se réchauffe et il met sur la plaie. Le messager d'Allah a dit que trois choses guérissent vraiment. La cautérisation. On dit la cautérisation. Naam. La cautérisation, c'est l'une des trois choses qui guérit, comme a dit le messager d'Allah. Il a cité la cautérisation et il a cité le miel. Le miel et il a cité l'hijama. Il a cité l'hijama. Naam. Et le hadith est authentique, bi'idhnillah azza wa jalla. Al-muhim. Ces 70 000, ces 70 000 qui vont rentrer au paradis sans jugement et sans châtiment, il y a un autre hadith authentique rapporté par Ahmed et authentifié aussi par Cheikh Al-Albani rahimahullah, que avec chaque personne des 70 000, naam, il y aura 70 000 autres. Subhanallah al-Azim. Donc, chaque personne des 70 000 qui vont rentrer au paradis sans châtiment, chaque personne aura 70 000 avec elle. Subhanallah al-Azim. Si on compte, qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver que donc, ceux qui vont rentrer au paradis sans jugement et sans châtiment seront 4 milliards 900 millions 900 millions 70 000. 4 milliards 900 millions 70 000 musulmans rentreront au paradis sans châtiment et sans quoi? Et sans jugement. Que Allah Azza wa Jal nous fasse d'eux. Naam. Nous toujours on fait des doigts, on ne perd rien. Naam. On n'a pas yani, le statut de mériter cela, mais la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala est vraiment quoi? Est vraiment grande. Naam. Est vraiment grande. C'est pour ça que on fait des doigts. Naam. Je vais remarquer une chose, une petite chose, c'est tout. Naam. Vous remarquez que quelqu'un est rentré maintenant dans l'ispic, il a dit salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh, et ensuite il est ressorti. Naam. Vous avez remarqué que personne ne lui a répondu. Personne ne lui a répondu, alors que c'est obligatoire, naam, de répondre et de dire wa alaikum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Et personne n'a répondu, et moi je ne peux pas faire le taf sans répondre. C'est à vous, je ne vous ai pas. Je ne vous ai pas désactivé le chat. C'est-à-dire, tous ceux qui sont dans l'esprit peuvent écrire en même temps. Mais personne ne lui a répondu. Donc, nous tous qui sommes dans le salon avons des péchés pour ne pas lui avoir répondu. Naam. Al-Mu'im. Quand il a dit Al-Khala'iq. Quand il a dit Al-Khala'iq. Al-Khala'iq. Donc Allah subhanahu wa ta'ala va juger qui? Va juger Al-Khala'iq. Naam, va juger les créatures. C'est qui ces créatures? Est-ce que ce sont seulement les êtres humains? Ou bien va juger aussi les djinns? Ou bien va juger aussi les djinns? Le plus juste, Inch'Allah ta'ala, c'est que Allah azza wa jalla va juger aussi les djinns. Les djinns aussi va leur demander des comptes. Est-ce que vous avez fait ceci? Pourquoi vous avez fait cela? Pourquoi vous n'avez pas fait cela? Et comme ça, Allah Ta'ala va demander des comptes aussi aux djinns des esprits. Je crois qu'on les appelle des esprits, Allahu A'lam. Naam. Wa li hada yadkhulu kafiruhum an-nara bin-nass wal-ijma'. Il a dit c'est pour cela que le kafir des djinns, le kafir des djinns, pas le kafir des êtres humains, par des djinns. Le kafir des djinns va rentrer en enfer. Il a dit, il y a pour cela naam, les textes et il y a le consensus. Quant au texte, Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran, قَالَ دْخُلُوا فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ فِي النَّارِ. Al-A'raf 38. Naam. Allah Azza wa Jalla a dit, et rentrer ou la entrer dans le feu. Naam. Entrer dans le feu, comme sont entrés avant vous les djinns et les hommes. Naam. Comme sont entrés avant vous les djinns et les hommes. Donc, c'est une preuve que les djinns vont aussi rentrer en enfer. Et on peut lire ça aussi dans le verset, où Allah subhanahu wa ta'ala dit, quand il parlait, Allah azza wa jalla parlait de ce qu'il y avait dans le paradis, dans Sourate Ar-Rahman 46 jusqu'à 56, il a dit entre autres, qu'est-ce qu'il y a dans le paradis? Il a dit, Fihinna qasiratu at-tarf, lam yatmithunna insun qablahum wa la jann. Il a dit, dans le paradis, ils y trouveront des houris. Des houris, ce sont quoi? Ce sont des femmes qui ont été créées spécialement pour le paradis. Il a dit, ils y trouveront des houris au regard chaste. La femme du paradis n'est pas comme la femme de cette dunya qui peut-être peut ne pas avoir le regard chaste. Mais celle du paradis, elle ne regarde que son mari. Elle a le regard chaste. Il a dit, qu'aucun homme ou djinn avant eux n'aura défloré. Qu'aucun homme ou bien djinn avant eux n'aura défloré. Donc, c'est une preuve quoi? C'est une preuve que il y aura des djinns au paradis. Donc, c'est une preuve que le djinn, Yom al-Qiyamah, le jour de la résurrection, il va rendre des comptes. S'il va réussir dans son test, il sortira victorieux, il sera au paradis. Et sinon, il sera en enfer. Voyez. Maintenant. وَهَلْ تَشْمَلُ الْمُحَاسَبَةُ الْبَهَائِمِ وَهَلْ تَشْمَلُ الْمُحَاسَبَةُ الْبَهَائِمِ. Est-ce que le fait de demander des comptes, Naam, est-ce que ça englobe aussi les bestiaux, les animaux? Est-ce que Allah Ta'ala, on a vu qu'il va demander aux comptes aux êtres humains. Tayyib. Il va demander aux comptes, des comptes aux djinns. Tayyib. Et maintenant, est-ce qu'il va aussi demander des comptes aux animaux et aux bestiaux? Cheikh Larahmou a dit, Amma al-qisas, fayishmalu al-baha'im. Il a dit, quant à la loi du talion. Vous savez ce que c'est le qisas? Il te donne une gifle, tu lui donnes une gifle. Il dit chien, tu dis chien. Non, il te casse une dent, tu lui casses une dent. Ça s'appelle le qisas. Il a dit, quant à la loi du talion, fayishmalu al-baha'im. Naam. Les animaux et les bestiaux rentrent dans cela. Pourquoi? لأنه ثابت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال كما في الحديث الصحيح رواه مسلم أنه يقتص للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. Le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم a dit que le jour du jugement, le jour du jugement, Allah subhanahu wa ta'ala rendra justice au mouton qui n'a pas de corne. Non, il lui rendra du justice s'il a été frappé par un mouton cornu. Vous voyez que vous connaissez, vous avez vu peut-être qu'il y a des moutons, et les moutons, il y a deux sortes. Il y a ceux qui ont des cornes et ceux qui n'ont pas de cornes. Et vous remarquez que de temps en temps, c'est ce qu'ils font, disons, ils se bagarrent entre eux. Et vous voyez, ils se frappent comme ça avec la tête, avec la tête. Celui qui a la corne, non, il est plus avantagé que celui qui n'a pas la corne. Mais Allah Ta'ala a dit que, c'est-à-dire le message d'Allah a dit que, Allah Ta'ala, chaque mouton non cornu qui a été frappé par un mouton cornu, Allah Ta'ala lui rendra justice. Subhanallah al-Azim. Alors imaginez, si c'est comme ça, en ce qui concerne les animaux, qu'en est-il alors en ce qui concerne les gens? L'animal auquel on a fait du tort et auquel un mouton cornu l'a frappé, Allah Azza wa Jalla lui rendra justice le jour du jugement dernier. Alors qu'en est-il pour les autres, les êtres humains? Il a dit, وَهَذَا قِسَاسٌ. Il a dit, et ça, c'est la loi du talion. Et les animaux, لَا تُحَاسَبُوا حِسَابَ تَكْلِيفُ وَإِلْزَامٍ لِأَنَّ الْبَهِيمَ لَيْسَ لَهَا لِأَنَّ الْبَهَائِمَ لَيْسَ لَهَا ثَوَابٌ وَلَا عِقَابٌ. Il a dit, les animaux, hein, ils ne vont pas être questionnés sur est-ce que vous avez fait cette chose, vous n'avez pas fait cette chose. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de raison. Les animaux ne vont pas être questionnés sur la salat et la zakat, et est-ce que tu as jeûné ou que tu n'as pas jeûné. Mais seulement, hein, il va rendre justice à ceux qui ont eu tort et ceux qui ont été lésés. Ensuite, il a dit, وَيَخْلُو بِعَبْدِهِ الْمُؤْمِنِ فَيُقَرِّرُهُ بِذُنُوبِهِ. Il a dit, ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala, يَخْلُو. يَخْلُو, c'est, maintenant je ne parle pas d'Allah Azza wa Jalla, je donne des exemples. Quand on dit en arabe, يَخْلُو, ça veut dire il reste en tête à tête. يَخْلُو. Avec Foulain, il est resté en tête à tête avec lui. Je ne veux pas dire ça en ce qui concerne Allah Ta'ala, parce qu'Allah Ta'ala, on ne peut pas dire il a une tête. C'est pour ça que je ne vais pas dire il va rester en tête à tête. Mais je vais dire, je vais employer d'autres termes, je vais dire, si je peux dire en aparté, en secret, Allah sera avec toute personne, seulement avec cette personne et avec chaque personne en secret, sans que les autres ne voient ou l'entendent. Qu'est-ce qu'il fera? Il fera reconnaître aux croyants ses péchés. Allah subhanahu wa ta'ala, il prendra chaque croyant, surtout ceux qui ne faisaient pas comme ça devant tout le monde les péchés, et il lui fera reconnaître ses péchés. Il lui dira, regarde, tel jour tu as fait ça, à telle heure, à telle minute, dans tel endroit, et tu étais habillé de telle façon, ceci, cela, avec les détails, et un minutieux. Naam. Et qu'est-ce que ça veut dire ça? Il a dit, Wahada, sifatu hisab al-mu'min. Il a dit ça, c'est seulement par rapport aux croyants. Il a dit, Allah subhanahu wa ta'ala va rester en secret avec cette personne sans que les autres ne le voient ni ne l'entendent. Et il va lui dire, Amita kada wa kada, tu as fait telle et telle chose, tu as fait telle et telle chose, jusqu'à ce qu'ils reconnaissent, ils disent, Naam, j'ai fait. Ensuite, Allah ta'ala lui dira, Satartuha alayka fi dunya, wa ana akhiruha laka al-yawm. Ensuite, Allah Ta'ala va lui dire, dans cette dunya, je ne t'ai pas dévoilé. Dans la dunya, tu faisais ces choses et je ne t'ai pas dévoilé. Et aujourd'hui, je te pardonne ces choses. Et aujourd'hui, je te pardonne ces choses. Wa ma'a dhalika, fa innahu subhanahu wa ta'ala yadha'u alayhi sitra. Et avec cela, Allah subhanahu wa ta'ala mettra sur sa per sur le croyant, il mettra sur lui son voile, c'est-à-dire le cachera, bihaythu la yarah ahad, de façon à ce que personne ne le voie, wa la yasma'u ahad, et de façon à ce que personne ne l'entende. Wa hada min fadlillah azza wa jalla al-mu'min. Il a dit ça, c'est une grâce, une grande grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala en ce qui concerne le croyant. Fa innal insan idha qarrara kabi جناياتك أمام الناس وإن سامح لك ففيه شيء من الفضيحة لكن إذا كان ذلك وحدك فإن ذلك ستر من عليك. الشيخ رحمه a dit que, نعم, il a dit, si par exemple une personne, نعم, te reproche tes fautes devant les gens, si une personne te reproche tes fautes devant les gens, même si elle te pardonne après, c'est déjà quoi? C'est déjà un scandale. نعم, c'est vraiment, ça fait vraiment mal. Mais si elle te dit seulement ça entre elle et toi, seulement tête à tête, naam, c'est masha'Allah un voile. Et même si yani, elle te dit, elle te fait tous les reproches du monde, tu acceptes. Pourquoi? Parce que vous êtes en tête à tête. Mais si c'est devant les gens, naam, c'est difficile d'accepter. Ça devient quoi? Ça devient du scandale. C'est pour ça que en islam, quand on veut faire la nasiha, on ne la fait pas devant tout le monde. Je vais faire une nasiha à mon frère ou bien à ma soeur. Je ne la fais pas devant tout le monde. À moins que ça soit une nasiha, yani, qui se rapporte avec tout le monde. Naam. Par exemple, je donne un exemple très simple. Par exemple, une personne, quand elle s'est assise, elle a commencé à faire le teshahhud, par exemple. Elle commençait comme ça à monter son doigt, yani, vers le haut, vers le bas, ou là, le faire tourner, comme ça, yani, d'une façon, yani, vite et fort, naam. Et il y avait des gens qui étaient avec nous, qui étaient en train de le voir, en train de faire la prière. Par exemple, quand il termine, je peux lui donner la nasiha. Les autres apprennent, pour que les autres apprennent. Surtout, si la personne à laquelle je vais donner une nasiha, c'est une personne, mashallah, par exemple, qui aime la science, une personne qui est compréhensible, naam, compréhensive. Mais si c'est, par exemple, une personne, si c'est un vieux, ou là, quelqu'un qui yani, est nerveux, ou là, quelqu'un qui ne comprend pas comme ça bien les choses, il vaut mieux que je lui dise en tête à tête. Parce qu'il risque de s'énerver, il ne va pas comprendre quelle est la raison pourquoi j'ai dit ça devant des gens. Mais en règle générale, la nasiha se fait en privé, en tête à tête. Amma al-kuffar, quant au kuffar, ce n'est pas comme ça que ça va se passer. Amma al-kuffar wa al-munafiqun, فينادى بهم على رؤوس الخلائق هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. Il a dit, quant aux kuffars et aux hypocrites, ceux-là, Allah Azza wa Jal va appeler, ou bien il ordonnera aux anges d'appeler devant tout le monde, et même de les montrer et de dire, ce sont ceux-là, voilà ceux-là, voilà ceux qui ont menti sur Allah Azza wa Jal. Ensuite, ensuite, que la malédiction soit sur les zalimin, que la malédiction soit sur les injustes. Moutafaq alayh. Un hadith dans Bukhari Muslim. Vous voyez la différence entre le croyant et le kafir et l'hypocrite. Le croyant, c'est en aparté. Sauf pour celui qui se vantait, comme ça, qu'il faisait les grands péchés, il se vante, il dit, moi, j'ai pas peur d'Allah, moi, je fais, etc., etc. Celui-là, bien sûr, il sera, yani, si je puis dire, dévoilé devant tout le monde. Mais le munafiq, l'hypocrite et le kafir, ça c'est la règle générale chez eux. Ils seront tous dévoilés devant tout le monde. On dira, voilà ceux qui montaient sur Allah Azza wa Jal. Ensuite, il dira que la malédiction soit sur eux. Dans Sahih Muslim, an Abi Huraira radiallahu ta'ala anhu, dans un long hadith, le messager d'Allah a dit, فَيَلْقَى الْعَبْدَ. Il a dit, Allah subhanahu wa ta'ala rencontrera la personne. C'est-à-dire ici, il parle de l'hypocrite. فَيَقُولْ يَا فُلْ. Il lui dira, ô toi, un tel, يَا فُلْ. Et vous remarquez avec moi, il ne va même pas lui dire un tel. Un tel, c'est فُلَان. Foulain, hein? Vous connaissez ceux qui savent un peu l'arabe, on dit foulain, un tel. Ici, Allah Ta'ala ne va même pas dire un tel, il va dire la moitié du mot, foul, le début, c'est tout. C'est comme si au lieu de dire un tel, je dis ant. Pourquoi ça? Pourquoi? Parce que le munafiq, l'hypocrite, yani, n'a aucun gramme d'importance chez Allah Subhanahu wa Ta'ala. Même pour l'appeler, Allah Ta'ala n'emploie pas tout le nom d'un tel, il dit seulement ant. Naam, subhanallah. Il termine même pas, ce n'est même pas son nom, mais il termine même pas son appellation. Ensuite, Fayaqul Yaful, Alam Ukrimka, il lui dit, dis-moi, Alam Ukrimka, tu n'as pas yani, vécu, si je puis dire, en ayant tout, Alam Usawitka, je n'ai pas fait de toi un maître. Tu étais un maître, tu avais des esclaves, tu avais des bandes, tu avais. Alam ou Zawichka, je t'ai pas marié. Alam ou Sakhir lakal khayl, j'ai pas mis à ta disposition les chevaux, l'ibil, les chameaux, ou adarka taras wa tarba, et je t'ai laissé comme ça, yani tu commandais des gens, yani pour certains qui étaient, yani avaient des responsabilités, et wa tarba, et tu vivais vraiment dans l'aisance, naam, et rien ne te manquait. Fayaqulu bala, il va dire si ya Allah, si. Il va lui dire Allah Ta'ala, adhanunta annaka mulaqi, est-ce que tu savais, ou là, tu avais la conviction que tu allais me rencontrer? Fayaqulu la, il va dire non. Naam, il ne peut pas mentir. Ce jour-là, les mensonges, c'est pas possible. Naam. Il va dire non. Je dis la vérité. Je n'étais pas convaincu que j'allais te rencontrer. Allah Ta'ala va lui dire, فَإِنِّي أَنْسَاكَ كَمَ نَسِيتَنِي. Donc je vais te délaisser comme tu m'as oublié. Comme tu as délaissé yani, cet islam. Non, tu as délaissé ma religion. Aujourd'hui, je vais te délaisser. Non, il a dit ici, فَأَنْسَاكَ. Mais Allah Ta'ala n'oublie pas, vous savez, n'oublie pas. C'est pour ça que les savants disent, Ansa, ça veut dire délaisser. Thumma yulqa al-thani. Thumma yulqa al-thani. Ensuite, il va rencontrer le deuxième. Il va lui dire la même chose. Ensuite, il va rencontrer une autre personne. C'est toujours un munafiq. Il va lui dire, Ya Rab, amantu bika. Ya Rab, j'ai cru en toi. Et en ton livre. Wa bi kitabik. Wa bi rusulik. Et en tes messagers. Wa sallayt. J'ai fait la prière. Wa somt. J'ai fait le jeûne, j'ai fait l'aumône. Il commence à dire yani, qu'il était mashallah, mashallah. Allah Ta'ala va lui dire, par ici donc, ها هنا إذن. ثم يقال له puisque tu dis que tu as fait ceci, tu as jeûné, tu as prié, tu as fait ceci, lui a dit, par ici donc, Al-ana nab'athu shahidan 'alayk. Maintenant, on va envoyer notre témoin sur toi. Notre témoin qui va confirmer ce que tu as dit ou qui va infirmer. Allah sait tout. Mais juste pour que la personne sache, on va lui dire, bon, puisque tu as dit que tu as prié, tu as fait ceci, tu as jeûné, maintenant on va envoyer notre témoin pour confirmer ou infirmer. Il a dit, « وَيُفَكِّرُ فِي نَفْسِهِ مَنْ الَّذِي يَشْهَدْ عَلَيْهِ » Et cette personne qui est bien sûr hypocrite, elle va demander, « Subhanallah al-Azim, qui va témoigner ?»« Qui va témoigner contre moi ou de moi ?» Il a dit, « فَيُخْتَمُ عَلَى فِيهِ » Allah subhanahu wa ta'ala va lui fermer sa quoi ? Sa bouche, de façon à ce qu'il ne puisse plus parler. Et, « وَيُقَالُ لِفَخِدِهِ وَلَحْمِهِ » وَعِظَمِهِ Allah subhanahu wa ta'ala va demander à sa cuisse et à sa chair et à ses os, il va leur dire parlez. Non, parlez. Il a dit, fatantero bi'amedi. Il a dit, et ses os, ensuite sa chair, sa cuisse vont parler. Non, ils vont dire, il a fait ceci, cela, il est parti à tel et tel endroit, il a dit ceci, cela, il a mangé ceci, cela. Non, madalik al-munafiq. Non, et c'est comme ça, le munafiq n'aura quoi ? N'aura aucune excuse pour se sauver du châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous avez remarqué Allah subhanahu wa ta'ala, qu'a-t-il dit ici au munafiq ? Entre autres, il lui a dit, est-ce que yani, je t'ai pas tout donné ? Ensuite, il lui a dit, est-ce que j'ai pas fait de toi un maître ? Et ensuite, ce qu'il a dit ici, ce que je voulais faire la remarque, il a dit, Alam uzawijka ? Je t'ai pas marié juste pour que les frères et sœurs savent que c'est Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui marie l'hypocrite. Qu'en est-il alors du croyant? Je dis à toute personne qui ne s'est pas mariée, mais qui ne s'est pas encore mariée, que sache que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui marie. Et que si Allah ta'ala a écrit quelqu'un pour ton mariage, ce quelqu'un, personne ne peut te l'enlever. Car 50 000 ans avant de créer les cieux et la terre, Allah Ta'ala a écrit avec qui on va se marier. Naam. Et si Allah Ta'ala a écrit qu'il n'y a pas de mariage, il n'y aura pas de mariage. Naam. Même si tu vas chez la sorcière, tu vas chez le ministre, tu vas où tu veux, il n'y a pas de mariage. Allah Ta'ala a voulu que certaines ne se marient pas. Comme a voulu que certaines femmes n'auront pas d'enfants. Naam. C'est lui qui veut, nous on est des esclaves. Ou bien tu acceptes tout d'Allah Azza wa Jal, ou bien tu jettes tout, tu renies tout. Il n'y a pas en islam, tu acceptes une chose et tu renies une autre. J'accepte la salat, j'accepte la zakat, mais j'accepte pas le djibbe. J'accepte la salat, j'accepte la zakat, j'accepte le djibbe, mais j'accepte pas que je sois quoi ? Que je ne me marie pas. Mais j'accepte pas que je n'ai pas d'enfant. Et comme ça. Non, il faut être abd. Abd, c'est un serviteur. Tu es là seulement pour dire Sami'na wa ta'na. Tu dis Allah, c'est toi qui sais tout. C'est toi qui connais ce qui me convient et ce qui ne me convient pas. Ya Allah, si tu ne m'as pas marié, c'est que sûrement c'est pour mon bien. Car tu savais que mon mari peut-être allait me tuer ou me jeter du balcon ou m'empoisonner. Naam, c'est pour ça que tu ne m'as pas marié. Alhamdulillah. Et l'essentiel c'est quoi ? C'est que cette vie va vite passer. Et que demain, il y aura tout dans le paradis. Comme a dit le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, il n'y a pas de célibataire dans le paradis. Dans le paradis, il n'y a pas de célibataire. Ni pour l'homme, ni pour la femme. Tous, ils vont être mariés là-bas. Naam. Ensuite, celui qui n'est pas marié, ou là, qui n'a pas pu se marier, ou là, qu'Allah ta'ala n'a pas écrit le mariage, naam, il profite. Donc, il n'a aucune responsabilité. Il profite de quoi ? Il profite dans l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il profite pour apprendre le Coran. Il profite pour yani, faire la nafila. Celui-là, alhamdoulilah, il n'a aucune responsabilité. Et qu'il mette dans son cœur que si Allah ta'ala a écrit le mariage, naam, il y a des gens, moi je connais une femme de la famille, qui s'est mariée naam, après 50 ans. Après 50 ans, naam, après 50 ans, elle ne s'est jamais mariée pendant les 50 premières années. Quand Allah Ta'ala a voulu, elle s'est mariée dans les 49 ou 50 ans. C'est à ce moment que Allah Ta'ala a écrit que le prétendant allait venir. Subhanallah. فإذا وأول ما يحاسب عليه العبد من أعمال صلاة وأول ما يقضى فيه بين الناس الدماء لأن الصلاة أفضل العبادات البدنية والدماء أعظم ما يعتدى به في حقوق الآدميين. الشيخ سيدي الله يرحمه يدي فائدة نعم أن ننتري إلى دي la première des choses qui sur laquelle on doit rendre les comptes يوم القيامة c'est salat. Vous savez, la première des choses sur laquelle on est obligé de rendre les comptes, c'est la salat. Ça veut dire que celui qui n'a pas fait la salat, c'est vraiment très grave pour lui. C'est-à-dire, s'il n'est pas kafir, c'est vraiment très très quoi grave pour lui. Parce que la première des choses qu'on va lui demander, où est ta salat? Ensuite, s'il a la salat, on va voir si elle est complète, si elle est parfaite. Ce n'est pas la salade de tu fais comme tu veux et tu te débarrasses. C'est comme si tu te débarrasses d'une corvée et tu vas dormir. La salade, la vraie. La salade où il y a l'esprit présent. La salade où il y a le khushu'. La salade où yani, on sent qu'on est en train de parler avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ceux qui n'ont pas fait la salade dans cette vie, c'est vraiment grave pour eux demain quand ils vont rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala. Et qui va commencer par leur dire, montrez-moi votre salat. Allahu Akbar. Qu'est-ce que tu vas dire? Ya Allah, j'ai la zakat. Ya Allah, j'ai le siyam. Ya Allah, j'ai le hajj. Tu ne vas pas être accepté. Donne-moi d'abord la salat. Montre-moi d'abord la salat. C'est un peu comme si... D'ailleurs, j'ai donné, je crois, une fois cet exemple. C'est comme si tu allais à l'aéroport pour prendre l'avion et... Tu commençais par leur montrer le billet. Le billet n'est pas intéressant. Montre-moi d'abord le passeport. Ça, est-ce qu'avec le billet, tu vas monter en avion? C'est impossible. Si tu n'as pas le passeport, donne-moi d'abord le passeport. Maintenant qu'il y a le passeport, montre-moi le billet d'avion. Si tu montres seulement le billet, ce n'est pas important. Tu ne pourras jamais accéder à l'avion. Non. Donc la première des choses, c'est quoi? Yom Qiyam, c'est salat. Salat, subhanallah. Certains étymologues, certains savants arabes ont dit que le mot salat venait de sela. Sela, lien. En arabe, lien. Ce qui veut dire, tout simplement, que celui qui ne fait pas la salat, c'est quelqu'un qui n'a pas voulu avoir des liens avec Allah subhanahu wa ta'ala. C'est quelqu'un qui a coupé les liens avec Allah subhanahu wa ta'ala. Non, la salat, 5 fois par jour, tu implores Allah Azza wa Jal, et si tu pouvais, tu pleurais, et 5 fois par jour, tu le glorifies, Alhamdulillah, Alhamdulillah, tu dis Subhanallah, Subhanallah, dans le sujoud, dans le recours, dans ceci, et laisse les invocations, combien tu implores Allah Azza wa Jal dans le sujoud, de te pardonner, de te donner, de te guérir, de te faire réussir, de te marier, de te... Alors que l'autre ne fait pas la salat, ça veut dire quoi? Ça veut dire, c'est comme s'il a dit, je n'ai pas besoin d'Allah Ta'ala. Moi, je peux vivre tout seul. J'ai l'argent qui me suffit, j'ai mes enfants, j'ai ma voiture. Ça ne m'intéresse pas cette salat. Alors que le croyant, malgré si Allah Ta'ala t'a tout donné, a fait de toi le plus riche, le plus fort, le plus beau. Tu dois toujours montrer que tu es le plus faible, le plus pauvre. Tu dois toujours montrer que tu es le plus faible et le plus pauvre. Pas devant les gens, devant Allah Subhanahu wa Ta'ala. Non, si tu pouvais, tu n'arrêterais pas de lever les mains et de faire des doigts. Si tu pouvais, tu n'arrêterais pas de pleurer aussi. De pleurer et demander à Allah subhanahu wa ta'ala de nous pardonner des grands péchés qu'on a faits, des grandes fautes qu'on a faites. Non, et combien yani, on a délaissé de choses obligatoires. Un mohim. La salat, c'est pour ça que vous remarquez que Allah ta'ala ne t'a pas demandé... Comprend certains de la laisser à la dernière minute et tu viens la nuit et tu commences. Sop dor asr maghrib isha. Sop dor asr maghrib isha. C'est pas ça la salat. Car Allah Ta'ala ne t'a pas demandé seulement de faire la prière, mais il t'a demandé de la faire comme il le veut lui. Naam, ce n'est pas tu fais la prière comme tu veux, mais et tu fais la prière que Allah Ta'ala t'a demandé de faire. Et la prière que Allah Ta'ala t'a demandé de faire, c'est une prière, entre autres, qui doit se faire en son temps. Inna salata kanat ala al-mu'minina kitab al-mawquta. La salat, naam, yani, est obligée qu'elle se fasse en son moment et en son heure. Apprends bien cela. Allah Ta'ala ne t'a pas demandé de faire la salat, c'est tout. Il t'a demandé de faire la salat en son temps, en son moment. Celui qui fait la salat après son heure, les savants ont dit, c'est comme celui qui l'a fait avant son heure. Imaginez maintenant, il est combien? Il est 21h25. Imaginez maintenant, je vais faire salat subh. Est-ce que Allah Ta'ala va accepter salat subh maintenant? Il ne va pas accepter. Pourquoi? Le moment de salat subh n'est pas venu. Est-ce que chez vous, quand il est 14h, quelqu'un peut faire salat al-maghrib? Il ne peut pas. Salat al-maghrib, c'est à 17h et plus. Naam. Est-ce que quelqu'un maintenant peut-il jeûner le ramadan de l'année prochaine? Il peut jeûner pendant ce mois Muharram? Il ne peut pas. Pourquoi? Son moment n'est pas venu. La même chose pour la salat. Puisque tu ne peux pas la faire avant son moment, tu ne peux pas la faire quand son moment est dépassé. Tu ne peux pas la faire quand son moment est dépassé. Pourquoi? Sauf si quelqu'un a des excuses, comme quelqu'un qui s'est endormi, qui ne s'est pas réveillé, ou bien quelqu'un qui s'est évanoui, ou bien quelqu'un qui a perdu la raison. Mais quelqu'un qui a son esprit avec lui, il lui est interdit qu'il ne fasse pas la salat. Même s'il doit la faire assis, même s'il doit la faire avec sa tête, en hochant la tête, et comme ça. Même s'il doit la faire avec la taïmoum, même s'il doit la faire nu, s'il n'a pas d'habit, mais qu'il dise seulement, qu'il ne dise pas, j'ai pas pu faire la salat, j'ai pas pu faire la salat. C'est pour ça que vous allez trouver que l'avis le plus fort, Inch'Allah Ta'ala, en ce qui concerne, est-ce qu'il faut rattraper des salats dans les salats qu'on n'a pas fait quand on était jeune avant de connaître, avant de faire la touba et de connaître le minhaj, etc. Naam. L'avis le plus fort, c'est de ne pas les faire. Pourquoi? Parce que si tu vas les faire, tu vas faire une seule chose. C'est quoi? Tu vas faire la salat. Allah Ta'ala t'a demandé de faire la salat à l'heure. Et toi, tu vas la faire, non pas à l'heure. Allah Ta'ala t'a demandé, il y a 20 ans, de faire salat al-dhuhr. Et toi, tu vas le faire 20 ans après. Allah Ta'ala, il y a 30 ans, il t'a dit de faire salat al-asr. Maintenant, toi, tu vas la faire aujourd'hui. Tu n'as pas de raison. Mais le mieux, c'est quoi? C'est de faire, comme on dit les savants, les nafila. De faire les salats surérogatoires. Comme ça, vous avez entendu le hadith, quand tu vas mourir, Allah Ta'ala va dire aux anges, regardez mon serviteur, est-ce qu'il a quoi? Est-ce qu'il a des nafilas? Il ne va pas dire, regardez mon serviteur, est-ce qu'il a rattrapé les salats? Il va dire, est-ce qu'il a des nafilas? Ensuite, vous remarquez que toute personne qui rattrape les salats, comme font nos vieilles et les vieux, etc., on ne va pas leur dire pourquoi vous faites ça. S'ils veulent le faire, qu'ils fassent. Vous allez remarquer qu'ils ne le font pas, qu'ils ne font pas ça avec khushu'. Ils font ça, yani, c'est comme si c'était un fardeau. On va te dire, attends, je vais rattraper deux jours il y a 20 ans. Et ils commencent. Allahoukbar, Allahoukbar, Allahoukbar, Allahoukbar, salam alaikum. Maintenant, Allah. Allahoukbar, Allahoukbar, Allahoukbar, salam alaikum. Al-Asr. Allahoukbar, Allahoukbar, Allahoukbar, salam alaikum. C'est une corvée. Ouf, alhamdoulilah, ouf, je me suis fatigué. Hein. J'ai fait trois jours, j'ai rattrapé trois jours, je me suis fatigué. Non. Mais s'il faisait une nafila, non. S'il fait une nafila, il sent que c'est pas une dette. Mais c'est quelque chose qu'il fait maintenant pour la trouver demain. Pour la trouver demain. Al-Muhim, je reviens au hadith. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit la première des choses sur laquelle on doit rendre des comptes, c'est la salat. Non. Il a dit la salat, afdal ibadat badaniya. Parce que la salat, c'est la meilleure adoration corporelle. La meilleure adoration qu'on puisse faire avec le corps en descendant, en s'inclinant, en se prosternant, c'est quoi? C'est la salat. Waddima, naam, waddima, a'zamu ma yu'tada bi fi huquq al-adamin. Et il a dit que, comme la première des choses que Allah Ta'ala va nous demander en ce qui concerne les œuvres, c'est la salat, Aussi, la première des choses, qui sera jugée entre les gens, c'est quoi? C'est le sang. Vous savez qu'est-ce que ça veut dire le sang? Ça veut dire, que la première des choses, des premiers jugements, en ce qui concerne les gens, en ce qui concerne entre telle et telle personne, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que Allah Ta'ala va demander qui a fait couler du sang. Qui a fait couler du sang. C'est pour ça que celui qui, par exemple, a tué quelqu'un, sans raison, bien sûr, sans raison, c'est pas il se défendait ou là, mais comme ça, il l'a tué et année exprès, c'est vraiment grave pour lui. Car la première des choses entre les gens qui va être jugé, c'est quoi? C'est le sang. Celui qui a tué quelqu'un, celui qui a blessé quelqu'un, celui, où le sang a coulé, c'est grave, Yom al-Qiyamah, sauf si, bien sûr, si quelqu'un a, comme j'ai dit, à quoi? A des raisons, mais il l'a azzawajal. D'ailleurs, il y a un hadith que j'aime beaucoup, un hadith qui est authentique, mais il l'a azzawajal. Je vais voir si je vais le trouver ici, qui me plaît beaucoup, le hadith du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. C'est le hadith d'un compagnon, radiyallahu ta'ala anhu, qui s'appelle Abdullah ibn Amr. Abdullah ibn Amr ibn al-As. Il a dit, ra'aytu, j'ai vu le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, en train de tourner autour de la Kaaba. En train de tourner autour de la Kaaba. Et qu'est-ce qu'il disait? Qu'est-ce qu'il disait, sallallahu alayhi wa sallam? Il disait, ma atyabaki, wa ma atyaba rihak. Oh, yani, comme tu es merveilleuse. Il parlait à la Kaaba. Comme tu es merveilleuse et comme ton parfum ou là, ton odeur est merveilleuse. Ensuite, il a dit, ma a'zamaki, wa ma a'zama hurmatak. Comme tu es sublime. Naam. Comme tu es sublime, yani tu as, si je puis dire, une très grande valeur. Ensuite, il a juré, il a dit, Walladhi nafsu Muhammadin biyadih. Je jure par celui qui détient mon âme, la hurmatul mu'min inda Allah a'zam min hurmatik, malihi wa damih. Mais je jure par celui qui détient mon âme, je jure par Allah que, si je puis dire, la valeur du croyant, chez Allah subhanahu wa ta'ala, est plus grande que ta valeur. Il a dit son argent et quoi? Yani ses biens et son sang, le sang du croyant. C'est un hadith authentifié par Sheikh Albani, rahimahullah. C'est pour ça que le musulman doit faire son possible pour ne pas faire couler de sang. S'il le fait couler, qu'il le fasse couler d'une façon qu'Allah Ta'ala a permise. Qu'Allah Ta'ala a permise, comme yani, dans la guerre sainte et. Dans si quelqu'un dans la loi du talion, quand quelqu'un a tué quelqu'un, on le tue aussi si on ne veut pas lui pardonner, on veut pas prendre de lui la diya, l'argent, etc. On peut le tuer aussi comme il a tué. Dans ce cas, bien sûr, couler du sang est permis. Il est même obligatoire. Obligatoire, c'est-à-dire si on ne veut pas choisir l'argent, par exemple, ou bien le pardon. Voilà, inshallah ta'ala, pour le cours d'aujourd'hui. Je rappelle à mes frères et mes soeurs. Les questions, bien sûr, puisqu'on a parlé de Aqida, ne doivent être que dans la Aqida. Et ceux, celles qui ont choisi des questions de Fekhoula, qu'ils changent les questions, qu'ils changent la question, qu'ils la mettent dans la Aqida ou bien dans le Minhaj, Inch'Allah Ta'ala. Mais il y a aussi autre chose, je demande aux frères de mettre le Coran dans les deux salons, parce que je vais m'absenter à peu près 20 minutes. Je n'ai pas encore mangé. Je vais m'absenter 20 minutes, maximum une demi-heure. Et on va se rencontrer, Inch'Allah, dans 20 minutes ou bien une demi-heure. Comme ça, vous allez vous aussi manger ou le faire des choses que vous avez à faire. On se rencontre, Inch'Allah, dans 20 minutes ou une demi-heure. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Afwan. الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم. Donc, Inch'Allah ta'ala, en cette soirée du samedi 13 Muharram 1430, bi'izna azza wa jal, ce qui correspond avec je crois le 10, 11 janvier, le 10 janvier, bi'izna azza wa jal 2009. Hein? On commence les questions et les réponses. Qui ont rapport avec la Aqida, Inch'Allah Ta'ala. Taïb. Mouah. وحيدين حياك الله، تفضل إن شاء الله تعالى. Salam alaykoum. Bismillah. On ne sera pas véritablement croyant jusqu'à ce que l'on aime Allah et son prophète plus que tout et nos propres personnes, cheikh. Qu'en est-il des autres prophètes et autres messagers? Doit-on aussi les aimer plus que notre propre personne? Jazakallahu khair. Vous savez que les messagers d'Allah Azzawajal sont les personnes les plus aimées. Non, sont les créatures qui viennent au premier plan. Ensuite viennent les autres, viennent les martyrs, etc. Comme vous savez, non. Mais quand quelqu'un est messager d'Allah Azzawajal, c'est qu'il a atteint, bi'idhni Azzawajal, enfin il a atteint, c'est Allah Ta'ala qui lui a donné, d'avoir le plus haut rang, d'avoir le plus haut rang, bi'idhni Azzawajal. C'est pour ça que ça rentre dans la foi d'aimer tous les messagers, ça rentre dans la foi d'aimer tous les messagers plus que nous-mêmes. Naam, d'aimer tous les messagers, que ce soit Moussa, Isa, Nuh, naam, d'aimer un messager plus que nous-mêmes. Ça rentre, bi'idhni Azzawajal, dans la foi, comme a dit Ali Sallam, la yu'minu ahadukum hatta yakuna ahabba ilayhi min waladihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Naam, wallahu azza wa jalla. Tafadhal inshallah le suivant. Salam alaykoum cheikh. Je voudrais savoir si un sorcier se repent et suit le droit chemin, son mal lui sera-t-il pardonné même s'il a fait des victimes, des morts? Et les personnes mortes de sorcellerie sont-elles considérées comme des martyrs? Wa alaykoum salam wa rahmatoullah wa barakatuh. Donc il a dit, je voudrais savoir si un sorcier prend et suit le droit chemin, son mal lui sera-t-il pardonné même s'il a fait des victimes, des morts? Et les personnes mortes sous sorcellerie sont-elles considérées comme martyrs? Quand quelqu'un tue quelqu'un, il a fait deux grandes fautes. La première, c'est entre lui et Allah, car Allah Ta'ala a interdit cette chose. Et la deuxième faute qu'il a fait, c'est quoi? C'est entre lui et la personne. Il a fait du tort à la personne elle-même. Ce qu'il y a entre celui qui a tué et Allah Azza wa Jal, Allah Azza wa Jal yani accepte le repentir. À condition bien sûr que cette personne fasse le vrai repentir. Reste ce qu'il y a entre la personne qui a été tuée et celle qui l'a tuée. Ça, c'est Yom al-Qiyama. Ils auront des comptes à se rendre. Yani, ou bien l'autre aura des comptes à rendre à cette personne. Comme ça qu'a dit Ibn Taymiyyah rahimahullah, rahmatullah. Il a dit même, pire que cela, il a dit même quand quelqu'un, par exemple, il a été tué à sa place. Et comme ça, et même malgré cela, cette personne qui a été tuée, yani la victime, yani dira pourquoi tu m'as tué. Car tout le monde aimerait vivre et tout le monde dira, c'est pas toi, je serais en vie et j'aurais fait ceci, cela et ceci, cela. Même si bien sûr, c'était écrit qu'il meurt. Donc, ce qui est du côté de Allah Azza wa Jalla va le pardonner. Ce qui est du côté de l'autre personne, c'est entre lui et elle, Yawm al-Qiyamah. Ensuite, est-ce que celui qui meurt touché par la sorcellerie, est-ce qu'il meurt comme shahid? S'il meurt par exemple par des choses qu'il a mangées et ensuite il est mort, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a montré que celui qui mourait de son ventre serait shahid. A montré que celui qui meurt de son ventre serait shahid. Naam. Quant aux autres, Allah subhanahu wa ta'ala a'lam. Allah subhanahu wa ta'ala a'lam. Naam. On passe inshallah ta'ala à Ummi dans l'inspecteur. Tafadhali. Donc c'est la question de Ummi. Salam alaykoum, Cheikh. Ma question rejoint ce dont vous avez parlé tout à l'heure à propos de la prière. Lorsque c'est l'heure de la salat, je n'arrive plus à y aller avec entrain et je ressens ça, ainsi que les ablutions, comme une lourde obligation. J'attends le dernier moment pour me lever pour El Fajr. Je ne fais plus de prières surérogatoires et je récite toujours des sourates courtes. Je n'arrive jamais à me concentrer plus de quelques secondes. combien même je demande dès le départ à Allah de me préserver contre les shayatins. J'ai conscience qu'Allah ne doit certainement pas les agréer, pourtant j'essaie de faire mes efforts et de les faire à l'heure, mais elles sont souvent bâclées. Auriez-vous des conseils à me prodiguer, cher, surtout pour rester concentré du début à la fin, inshallah, et de ne plus penser aux problèmes et aux autres. Barakallahu fikum. Salam alaykoum. Wa alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Naam. En ce qui concerne la personne yani, qui sent que la salat est lourde et qui sent yani, de la lourdeur pour faire des ablutions, etc. Naam. Tout cela, c'est pourquoi? Parce que cette personne, naam, si je puis dire, affaiblit de foi, affaiblit, et qu'elle ne trouve plus la saveur de la foi, halawat al-iman, car là, cette foi a une saveur. Cette foi, quand on l'a dans le cœur et qu'elle est bien, masha'Allah, c'est comme si, yani, le Coran où l'on fait la prière, là, c'est comme si on goûtait au miel, c'est comme si on goûtait du sucré. C'est pour ça que le messager d'Allah alayhi salatu wasalam, a dit ذاقا طعم الإيمان ذاقا طعم الإيمان من قال يعني آمنت بالله et le hadith est connu. طيب ذاقا il a dit il a goûté طعم الإيمان, il a goûté à la saveur de la foi. C'est pour ça que cette foi, la foi elle se travaille. La foi, quand on reste loin des doros, loin, yani, on est toujours isolé, on n'écoute pas, on n'écoute rien, on n'assiste à rien, etc. Elle commence à faiblir, jusqu'à ce qu'on devienne yani, une personne yani, qui est tout juste. Si elle prie, yani, c'est déjà quelque chose. Le mohim, pour que quelqu'un trouve ce qu'on appelle le khushu' dans la salat, c'est exactement comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون, et il a dit directement والذين هم عن اللغو معرضون. Après avoir dit que yani vont réussir المؤمنون, les croyants, qui, ceux qui font la salat, non, il a dit ceux qui trouvent le khushu dans la salat. Et pour montrer comment trouver le khushu, il a dit directement après cela والذين هم عن اللغو معرضون, et ceux qui sont loin des choses futiles. Si tu veux trouver yani, de la sucrerie, de la saveur dans la salat, il faut avant la salat déjà se préparer comment rentrer dans la salat. C'est pour ça que si on rentre directement dans la salat, on passe directement d'un film de la télévision à la salat. Ce n'est pas une salat. Tu vas dans la salat penser au film. Comment ça s'est terminé, qui a tué l'autre, pourquoi il l'a tué, pourquoi il l'a trahi, pourquoi cela, ce n'est plus une salat. Non. Si on rentre dans la salat, après avoir vu un match, ce n'est plus un film. C'est pourquoi il n'a pas tiré, pourquoi il a raté le penalty, pourquoi on l'a fait tomber, pourquoi ceci, pourquoi cela, ce n'est plus la salat. Mais, ici vient la sunna qui te montre que, avant la salat, il y a les surérogatoires. 4 avant d'or. Pourquoi tu fais 4 avant d'or? Pour, yani, tu étais dans le travail, tu étais très occupé, maintenant c'est le moment salat al-dor, tu rentres pas directement dans le dor. Sinon, dans la salat, tu vas penser à quoi? Au travail. À tes dossiers, à tes fiches, à tes classeurs, à tes numéros de téléphone. Mais il y a 4 rak'at avant le dor. Comme ça, tu commences à t'habitué, yani, alhamdoulilah, tu es dans la salat, ensuite tu rentres dans salat al-dhuhr. Al-muhim, quiconque veut trouver un peu la sucrerie de la salat, naam, qu'est-ce qu'il fait? Il faut pendant la journée qu'il s'éloigne des choses futiles, il s'éloigne de la musique, il s'éloigne des phrases qui ne servent à rien, il s'éloigne de s'asseoir avec les gens qui ne servent à rien. Il y a des gens avec lesquels tu ne perds que ton temps. Tu n'apprends ni des choses de la dunya, ni encore moins des choses de l'au-delà. De cela, il faut s'éloigner pour préserver ton cœur. Préserver ton cœur. Allah Ta'ala dit dans le Coran, مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ. Il a dit qu'il n'avait pas donné à un homme deux cœurs dans sa poitrine. Chacun de nous a un seul cœur. Avec ton cœur, choisis. Choisis l'au-delà ou bien choisis cette vie-là. Non, car c'est comme une balance. il y a toujours un plateau qui prend le dessus sur l'autre. Naam. Nous tous, on aime la dunya et on aime l'au-delà. Mais il faudrait que notre amour de l'au-delà prenne le dessus. Naam. Il faudrait dans la journée lire le Coran, dans la journée faire les invocations, dans la journée s'asseoir avec les gens qui aiment le din, qui parlent de din. Et comme ça, tu vas, inshallah ta'ala, ressentir ta foi qui va monter. Alhamdoulilah, maintenant il y a des doros partout, même à la télévision il y a des doros pour ceux qui veulent entendre les doros à la télévision, c'est plein de doros, même les grands savants ils viennent à la télévision, il y a des cassettes, il y a l'internet, et ensuite surtout la fréquentation, il ne faut pas fréquenter les gens qui sont loin du din, parce que ceux-là, ils vont quoi? Ils vont yani, te faire aimer la dunya. Du matin au soir, j'ai acheté la dernière robe, les derniers meubles, la dernière voiture, la dernière ceci. Ils vont te faire aimer. Tu vas même regretter, j'ai perdu beaucoup de temps, je n'ai pas fait comme eux. Ils sont devenus riches et moi je suis toujours en bas. Non, mais si tu fréquentais des gens qui ne parlent que de l'au-delà, qui parlent des hadiths, qui parlent du paradis, qui parlent de l'enfer, non, tu auras toujours non, ton cœur qui est en train de subhanallah, je ne sais pas comment dire le mot. Tu sens yani dardara dans ton cœur, tu sens quelque chose qui c'est surtout dû à la fatigue. Naam, si c'est la fatigue, c'est autre chose. Si c'est la fatigue, il faut aussi se reposer. Naam, il faut aussi se reposer, prendre son temps, naam, bien s'organiser pour que yani inshallah ta'ala vienne la concentration. Wallahu azza wa jal a'lam. On passe inshallah ta'ala au suivant. Tafadhal. Bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah. Salamu alaykum wa rahmatullah wa barakatuhu, Sheikh. Je ne connais pas l'histoire de deux anges, Harout et Marout, cités dans la sourate Al-Baqara, verset 102. Pouvez-vous me donner quelques précisions concernant les concernants? Barakallahu fikum. Qu'Allah Azza wa Jal vous récompense. Wa alaykum salam wa rahmatullah wa barakatuhu. En ce qui concerne Harout ou Marout, beaucoup de savants ont divergé. Parce qu'il y a beaucoup de hadiths qui ont été cités là, en ce qui concerne ce verset-là, et qui ne sont pas vrais. Naam, je vais te lire, Inch'Allah Ta'ala, ce qu'a dit par exemple Imam Sa'di, Rahimahullah. Naam, attendez une seconde, je cherche le verset. تبعوا ما تتلو الشياطين وعلى ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا وعلم من السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. Attendez, je vais voir s'il a dit quelque chose ici. Naam. طيب, il n'a rien cité ici. طيب, il n'a rien dit ici. Il n'a rien dit. Naam. La plupart des savants disent que ce sont deux anges. La plupart des savants disent que ce sont deux anges. Naam. Je reviens à ce que je disais. Naam, je reviens à ce que je disais. Que beaucoup de savants ont dit que c'était deux anges. Naam. Et que Allah Azza wa Jal les a testés. Les a testés. Naam. Et que leur nom c'est Harout ou Marout. Et que, naam, ils croyaient qu'ils allaient, yani, s'ils étaient descendus là, ils auraient fait, yani, comment dirais-je, ils n'auraient que obéir à Allah subhanahu wa ta'ala et comme ça. Mais quand ils sont descendus, ils ont fait le contraire. Mais beaucoup disent que ce hadith n'est pas authentique. Beaucoup disent que ce hadith n'est pas authentique. C'est pour ça que la plupart des savants marchent sur l'apparent. L'apparent. Naam. Que il y a une fitna pour les gens. Allah subhanahu wa ta'ala a testé les gens pour voir est-ce que ils allaient suivre. Les suivre ou bien pas. D'ailleurs, ces deux-là, même quand ils apprenaient aux gens de sihr, naam, ils leur ordonnaient de ne pas y croire. Naam, ne pas y croire. Mais beaucoup les ont suivis et ceux-là, ils n'auront pas d'excuses yawm al-qiyama. Naam. Tfadl, inshallah, le suivant. Mais il n'y a rien d'authentique en ce sens. Tfadl. La question, c'est une sœur musulmane. Salamu alaykum, Sheikh. Qu'Allah vous récompense pour les cours que vous donnez. J'aimerais savoir si les gens au paradis verront les djinns qui seront aussi au paradis ou bien Est-ce que c'est comme sur terre, on ne les verra pas? Alaykoum salam wa rahmatoullah wa barakatuh. Il me semble, Allah subhanahu wa ta'ala a'lam, qu'ils les verront. Qu'ils les verront. Et à supposer qu'on ne les voit pas. N'oubliez pas que Allah Azza wa Jalla a dit que dans le paradis, on a tout ce qu'on souhaitait. Donc si jamais on ne les voyait pas et que quelqu'un souhaitait les voir, il les verrait. Si quelqu'un souhaitait les voir, il les verrait. Mais il me semble, Allah subhanahu wa ta'ala a'lam, qu'ils seraient visibles. Wallahu Azza wa Jal a'lam. Je n'ai jamais lu une réponse, ou là je suis jamais tombé sur une question pareille. Na'am. Wallahu ta'ala a'lam. Tfadal, suivant. Salam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu, Sheikh. Hayakum Allah. Pouvez-vous nous donner brièvement la liste des livres primordiaux à étudier dans la Aqidah? Car il me semble qu'il y a un ordre précis, wallahu a'lam. Jazakallahu khairan, Sheikh. Wa hafidakumullah. Wa alaykum salam wa rahmatullah wa barakatuh. En fait, je ne connais pas cet ordre. Naam, je ne connais pas cet ordre car il diffère d'un savant à l'autre. Il diffère d'un savant à l'autre. Pour certains savants, c'est par exemple Usul Thalatha. Pour l'autre, c'est peut-être par exemple Usul Arba'a. Peut-être. C'est pour ça que je ne connais pas exactement quel est l'ordre, mais vous pouvez par exemple connaître quel est l'ordre par exemple d'après certains savants. C'est pour ça que si vous voulez inchallah ta'ala la prochaine fois je vous donne par exemple l'ordre d'après un savant par exemple. Et je suis sûr que le premier livre Allah subhanahu wa ta'ala c'est l'Usul Thalatha. Tayyib Ibn al-Qayyim, donne-nous avec l'ordre, Inch'Allah Ta'ala, par Sheikh Ibn Uthaymeen. Est-ce que tu l'as maintenant? Est-ce que tu l'as devant toi? Par ordre. Sinon, donne-le-nous maintenant, Inch'Allah Ta'ala. Tayyib, naam. Tayyib, le temps qu'on passe, Inch'Allah Ta'ala, à une autre personne. Tfadlal. Il dit que le premier, c'est les trois fondements. Naam. Sans l'autre question, Inch'Allah Ta'ala, le temps qu'il retrouve la fatwa. Tfadlal. Salam alaikum. Barakallahu fikum de ne plus, inshallah, poser des questions qui ne concernent pas le cours de ce soir ou la aqida en général. Donc c'est la question de InSpeak at-Tawhid. Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuhu, Sheikh. Pardonnez-moi si cette question ne fait pas partie de aqida. Que faire si lors de la prière on s'est trompé en ajoutant à la prière un geste et que on oublie de faire le sujoud de distraction ou sujoud de réparation. Barakallahu fikoum. Wa alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Quand on a ajouté quelque chose et on a oublié par exemple de faire on a ajouté quelque chose et on a oublié de faire par exemple le sujoud de la distraction, certains disent que quand on se rappelle de cette chose, on fait le sujoud, même si on se rappelle par exemple une semaine après ou là, à n'importe quel moment. Et Cheikh Ibn Uthaymeen a choisi l'avis qui dit que pour faire la prière le sujoud de la distraction, on ne doit pas dépasser à peu près 5 minutes, disons 10 minutes à peu près, ou peut-être un quart d'heure maximum. Non, sinon, là, si on l'a oublié. Qaddar Allahu ma shafa'ad, la prière, inshallah ta'ala, est valable. Non, parce que on a oublié seulement le sujoud de la distraction et celui-là il est hors salat, il n'est pas à l'intérieur de la salat. Naam, donc il est parti, qaddar Allahu ma sha fa'al. Naam. Tfadl inshallah, prochaine question. Allahumma salli ala Muhammad al-Amin wa ala as-sahbihin ajma'in. Salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Sheikh, jazakum Allahu khayran pour le temps que vous nous consacrer et toute la science que vous nous apportez grâce à Allah Azza wa Jal. Actuellement, dans les mosquées, les imams ont entrepris de faire la salat al-qunud, invocation contre l'ennemi à la dernière rakat. Après invitation des savants qui nous demandent de faire revivre cette sunnah, alhamdoulilah, peut-on faire la salat al-qunud dans les nafila et dans shaf al-witr? Je sais que les les invocations se font dans la dernière rakat, si on arrive en retard à la mosquée où on se trouve, retrouve à faire les invocations à la deuxième ou troisième rakat selon le retard, est-ce que je dois ou peut-on faire salat al-qunud plus d'une fois, plus d'un mois, car j'ai appris que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait un mois. Wallahu alam. Salamu alaykoum. Cheikh, je relis la question inshallah. Actuellement dans les mosquées, les imams ont entrepris de faire salat al-qunud après invitation des savants qui nous demandent de faire revivre cette sunna. Peut-on faire la salat qunud dans les nafila et dans shafal watr? Je sais que les invocations se font à la dernière rakat. Si on arrive en retard à la mosquée, on se retrouve à faire des invocations à la deuxième ou troisième rakat selon le retard. Est-ce que je dois les faire quand même? Peut-on faire salat qunud plus d'un mois, car j'ai appris que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait un mois, Allahu alam. Jazakallahu khairan, qu'Allah vous soigne. Amin. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. D'abord, sachez que salat qunut, n'am, la sunna c'est de le faire, n'am, les musulmans le font, yani en groupe, c'est l'imam qui fait cela, ce n'est pas dans les nawafil, c'est l'imam qui fait cela dans la mosquée, et premièrement. Deuxièmement, sachez que l'avis le plus sûr, inshallah ta'ala, c'est que l'imam ne fait pas du'a al-qunut sans quoi? Sans le consentement du gouvernant, le du gouverneur. C'est lui qui dit « Faites salat al-qunut ». Naam. Sauf bien sûr si c'est un pays comme en France, naam, où il n'y a pas de gouvernement musulman. Troisièmement, salat al-qunut, du'a al-qunut, c'est une, le du'a, la du'a en général, c'est une invocation. C'est une adoration. C'est pour ça que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Al-du'a'u huwa al-ibada ». Il a dit du'a ou huwa al-ibada. C'est un hadith authentique. Il n'est pas comme disent les autres du'a mukh al-ibada. Non. Du'a huwa al-ibada. Naam. Ensuite, vous voyez que puisque du'a c'est une ibada, donc on doit faire la ibada pour qu'elle soit acceptée. Il faut deux conditions. Pour que ça soit pour Allah, c'est-à-dire la sincérité. Et deuxièmement, que ça soit naam, comme le veut le shra, yani comme le veut la législation. Donc, on doit suivre le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça que beaucoup de gens qui font les du'a al-qunut dans les mosquées de nos jours font beaucoup de fautes. Beaucoup, beaucoup de fautes. Naam. L'une des fautes, c'est par exemple, ils font cela en chantonnant. Naam. En chantonnant. Naam. Alors que, est-ce que quelqu'un, quand il demande à Allah ta'ala une chose, il demande en chantonnant? Non, il demande, c'est comme s'il parlait, non pas en chantonnant. Et deuxièmement, il faut deuxième faute de yani, demander à Allah subhanahu wa ta'ala des choses qui n'ont rien à voir avec cela. Non, il demande de faire exploser les avions qui sont au-dessus de nous. Yani, il rentre dans les détails. Il demande de faire ceci, de faire cela. Ya Allah, faites ceci, faites cela. Les savants ont dit, c'est comme si tu voulais montrer et dire à Allah ta'ala ce qu'il faut faire. Ya Allah, il faut tuer leurs enfants, il faut éclater leurs avions, il faut empoisonner leur manger. Tu montres à Allah Ta'ala ce qu'il doit faire, toi, tu lui donnes tout ça, tous les détails. Naam. Et ils font la faute d'eux. Beaucoup font des doigts comme ça. Par exemple, sur les juifs en général. Pourquoi tu fais sur les juifs en général? Il y a des juifs qui sont contre ça. Tu sais pas qu'il y a des juifs qui sont contre ça? Tu sais pas qu'il y a des musulmans qui sont mariés à des juives. Donc toi tu fais des doigts contre ma femme si je suis marié à une juive. Donc tu fais des doigts toi contre ma femme. Tu demandes à Allah Ta'ala de donner le cancer aux juifs, de tuer les juifs, de nam. Il faut spécifier. Ya Allah, faites yani, comment qu'on dit, tuer les juifs de qui font le problème à Gaza. Et pas les juifs en général. Ensuite, d'autres font la faute de demander à Allah subhanahu wa ta'ala d'exterminer tous les juifs. D'exterminer tous les juifs. Et là, comme j'ai dit tout à l'heure, ça rentre qui? Ça rentre là, les femmes des musulmans, les juifs, et ça rentre les juifs qui sont contre, hein, et donc toi tu veux contrecarrer la sagesse d'Allah Azzawajal. Allah Azzawajal a dit que il n'y aura pas la fin du monde jusqu'à ce que on tue les juifs. Et toi tu demandes à Allah Ta'ala de les exterminer. Alors comment se fera la fin du monde? Donc il n'y aura pas de fin du monde. Car le hadith a dit, il n'y a pas la fin du monde jusqu'à ce que vous tuiez les juifs. Et toi tu demandes à Allah Ta'ala d'exterminer les juifs. Donc si Allah va t'exaucer, donc il n'y aura pas de fin du monde. On va attendre toujours le jour qui va venir pour qu'on extermine les juifs, mais il n'y a plus de juifs. Allah Ta'ala les a exterminés, il a répondu à tes doigts. C'est pour ça que, et d'autres font la faute de dire par exemple, Allahumma par exemple, alayka bil yahoud wa min hawadahum. Oh Allah Ta'ala, yani, alayka bil yahoud, yani exterminer les yahoud wa min hawadahum. Et ceux qui, yani, hawadahum, ils disent ce mot sans savoir son sens. En arabe, vous savez que ça veut dire hawadahum, à cause du mot yahoud. Hawadahum, ça veut dire celui qui a fait une trêve avec eux. Et ils ne savent pas que le messager d'Allah a fait une trêve avec les Yahoud quand il était à Médine. Et ils ne savent pas que le messager d'Allah a fait une trêve avec les Quraysh, les associateurs qui sont pires que les Yahoud. Il a fait une trêve avec eux. Donc toi, tu es en train de demander à Allah subhanahu wa ta'ala d'exterminer tous ceux qui ont fait la trêve. Donc tu fais rentrer le messager d'Allah au milieu. Astaghfirullah, astaghfirullah. Yani, c'est un péché de dire une chose comme ça. Ça, c'est un péché en étant ignorant. Mais si quelqu'un sait et il va le faire exprès, il devient kafir. Ça, il devient kafir, a'oudou billah. Tayyib, quant à est-ce que du'a al-qunut se fait un mois? Naam, du'a al-qunut, ce n'est pas obligé qu'il soit fait un mois. L'essentiel, on fait du'a al-qunut jusqu'à ce que Allah subhanahu wa ta'ala lève, yani, éloigne. Et éloigne, yani, les malheurs qui sont tombés. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Naam. Tfaddal, prochain, inshallah. Salamu alaykoum. C'est la question de Abu Daoud de InSpeak. Salamu alaykoum. Lorsqu'on est déconcentré dans la prière, on devrait cracher trois fois du côté gauche. Mais est-ce que cela ne concerne que les prières surérogatoires? Est-ce vrai ou est-ce que cela concerne aussi les autres prières? Wa alaykoum salam wa rahmatoullah wa barakatuh. Le fait de cracher à gauche quand on est dans la salat, ça se fait dans la prière surrogatoire et ça se fait aussi dans la prière obligatoire. Mais ce que j'ai dit dans le cours, j'ai dit que quand on est derrière un imam, quand quelqu'un nous guide, c'est pas la peine de faire cette chose. Naam. Mais si on fait seul la maison, la salat à la maison, ou bien que c'est nous qui guidons les gens, ou bien on est à la maison, on fait salat surérogatoire, ou la mosquée surérogatoire, nafila, dans ce cas, on crache quand on sent qu'on est déconcentré. On ne crache pas du côté du cœur, mais sur l'épaule gauche trois fois. Naam, ce n'est pas cracher, il y a un verbe comme ça que je ne connais pas, c'est juste yanné. Ça sort comme ça un peu d'air de notre bouche mouillée, l'âme, et ce n'est pas des crachats. Surtout, il faut faire attention si on a des gens à notre gauche, l'âme, qui on peut leur faire du tort, et on peut les énerver, ils peuvent nous insulter, etc. C'est pour ça que les savants ont dit, on fait pas ça quand on est yani, avec l'imam, c'est lui qui nous guide. D'ailleurs, si on est déconcentré, c'est lui qui prend sur nous. Naam, car c'est lui qui nous guide. Comme a dit le messager d'Allah, alayhi sallam. Il a dit, yusalluna lakum, fa in asabu falakum wa lahum, wa in akhta'u fa alaykum wa lahum. Le messager d'Allah a dit, ils vont faire la prière, ils vont vous guider. S'ils font juste, c'est pour eux et pour vous. S'ils font faux, c'est pour vous et contre eux. Donc toi, tu es toujours gagnant. Naam, birtuta, jazakallahu khair. Postillonné. Naam. جزاك الله خير بيرتوتا ما تنساش تروح تاكل قلب اللوز تاع واسمو هذاك تاع نسيت واسمو هذاك يتبع فيه بيرتوتا هذاك قلب اللوز نسيت واسمو الراجل هذاك طيب فوالا ان شاء الله تعالى لا ريبونس بور سو فرير تفضل سويفون طلب العلم دو بالتولك C'est à votre tour, Inch'Allah. Younes Saad. Younes Saad. Salam alaykoum, Cheikh. En espérant que vous allez mieux, ma question porte sur le salut ou inclinaison que l'on fait au judo face à l'adversaire avant de commencer le combat. Est-ce permis sans que la niya porte sur l'adoration de ce dernier? C'est pour mon fils. Barakallahu fikoum. Salam alaykoum. Et Inch'Allah, Cheikh, je vous donne juste un complément que dans le judo, parce que la sœur là elle demande, dans le judo, quand les deux adversaires, avant que le combat il commence, ils doivent se faire une inclinaison de respect l'un envers l'autre. Mais il existe aussi une autre pratique aussi dans le judo, c'est que la personne qui a inventé ce sport, c'est connu que dans les salles de sport, ils ont mis son portrait, ils ont mis un cadre, une photo de lui. Et que quand les combats ils se terminent ou les entraînements ils se terminent, ils font aussi une inclinaison devant le cadre ou la photo de cette personne qui a inventé ce sport. Mais je ne sais plus son nom, Inch'Allah, si je fais des recherches, je peux vous le donner. Ça reste dans la même question. Salam alaikum. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, j'ai lu que l'inclination a dit, ou là, comment qu'elle a dit, attendez, je vais reprendre son mot. Qu'est-ce qu'elle a dit? L'inclinaison, naam. L'inclinaison a dit, j'ai lu qu'elle était interdite. J'ai lu qu'elle était interdite, même si c'est dans la niya que c'est pour Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Parce que le fait de s'incliner comme ça, naam, ça rentre dans leur aqida. Parce que ce judo, c'est venu d'un chinois, d'un bouddhiste. Et dans leur aqida, leur grand chef, naam, il devait lui faire ce genre d'inclinaison. Naam, sinon, naam, bien sûr, personne n'avait droit de faire ce sport. Mohim, j'ai lu que ce n'était pas permis. C'est pour ça que dans certaines salles où il y a des frères qui sont des entraîneurs, naam, ils enlèvent ça. Mais quand il va passer l'examen, etc., il sera obligé de faire cette inclinaison parce qu'il sera devant des gens, yani, qui si tu fais pas ça devant eux, ils n'acceptent pas le combat. C'est pour ça qu'il est préférable de le mettre dans un autre sport, Inch'Allah Ta'ala. Naam, quant à le cadre, etc., et quand il termine ce sport externe devant lui, il faut dire que, yani, je n'ai jamais vu cela. Naam, moi aussi j'ai fait un peu de judo, mais je me rappelle pas qu'il y avait le cadre là. D'ailleurs, je ne l'ai jamais vu dans ma vie, ce cadre. Naam. Je pense que c'est seulement comme ça dans le cœur. Allah alam. À moins que ça soit dans les combats officiels, etc. Naam. Donc, Abou Marwan, maintenant, tu sais que moi aussi, j'ai fait du judo. Donc, tiens-toi bien, barakallahu fik. Allez. Fadla le prochain. Naam. Salam alaikum. Il m'arrive parfois, dans les prières, de me tromper. Et à la fin de la prière, je ne sais pas s'il faut faire soujoud de correction. Il m'arrive parfois d'oublier le soujoud et je m'en rappelle que plus tard, des fois le soir, des fois le lendemain. Ma question est, dois-je refaire ma prière dès que je m'en rappelle? Ma prière est-elle valide ou pas? Et le cheikh, il a répondu à cette question il y a quelques minutes. Wallahu alam. Justement. Jazakallahu khairan, naam. J'ai répondu à cette question il y a seulement quelques minutes. Ce qui me fait dire que peut-être que celui qui a posé cette question était absent. Je répète très vite l'avis le plus sûr, Inch'Allah Ta'ala, que j'ai dit qu'il y avait deux avis et que l'avis de Cheikh Ibrahim Al-Rahmo, c'était qu'on pouvait faire le sujoud tant que ça dépassait pas à peu près 5 minutes. Disons 5, 10 jusqu'à un quart d'heure, naam. Sinon, le sujoud, khlas, il n'est plus valable et la prière est valable, Inch'Allah Ta'ala, naam, parce que Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana, parce qu'ici on a oublié, naam, et la prière est valable, Inch'Allah Ta'ala. Mais si c'était 5-10 minutes, un quart d'heure, et on se rappelle, on fait le sujoud, même si par exemple on a fait la salat à la maison, on s'est rappelé, à la mosquée, on s'est rappelé un quart d'heure après à la maison, on fait le sujoud à la maison, naam. Mais maintenant, ça fait longtemps, khalas. Inch'Allah Ta'ala, elle est acceptée. Tayyib, tfadla, Inch'Allah, le prochain. طلب العلم. Est-ce que vous avez une question à part la remarque, Inch'Allah? Naam, j'attends votre question. Pendant que vous écrivez la question, Inch'Allah, je vais lire ce que vous avez écrit et je vais, Inch'Allah, vous dire ce que le cheikh il a déjà répondu sur ça. Donc, le frère, avant de poser sa question, il a fait une remarque. Il a dit, Salam alaikum, je voulais juste faire une petite parenthèse pour les frères qui font l'admin dans ce salon. Est-ce que vous pouvez noter les noms des pseudos avant que le cheikh commence le dars de ceux qui ont levé la main? Parce que souvent, des frères ou des sœurs, l'ordinateur, il bug et ils peuvent jamais poser leurs questions. Ils se retrouvent donc à la fin dans la liste, et si ce serait possible, ce serait bien pour qu'ils puissent poser leurs questions et puis pour qu'ils puissent ne pas se retrouver à la fin. Barakallahu fikoum. Donc, Inch'Allah, le cheikh, il a déjà dit plusieurs fois, le cheikh, déjà, on remet ça sur le qadar, le destin d'Allah Azzawajal, qui est Allah, il nous a qadar. On lève la main, on attend notre tour, l'ordinateur il bloque, l'ordinateur il bug, l'internet il coupe. On a perdu notre place. Qadar Allah ou Masha Fa'al. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, les frères qui tiennent le salon, ils sont beaucoup sollicités. Même si on ne les voit pas comme ça, on voit la liste, on ne voit pas les frères, mais ils sont beaucoup sollicités. Ils travaillent de l'autre côté pour gérer plusieurs choses en privé avec le cheikh et entre eux. Et la troisième des choses, Inch'Allah, et ça, c'est moi qui vous le rajoute, sachez que le cheikh, il a un site internet où vous pouvez le contacter en envoyant un email, et Inch'Allah, il vous répond. Et vous pouvez aussi le joindre le mardi après-midi par téléphone, et vous trouverez le numéro de téléphone sur le site internet, Inch'Allah. Donc, il n'y a pas que par le Paltalk pour joindre Bi'idhnillah le cheikh. Vous pouvez aussi lui envoyer un email, Inch'Allah, il répond. Et vous pouvez le joindre par téléphone le mardi après-midi, et toutes ces informations et le numéro de téléphone et l'adresse email, ils sont disponibles sur le site internet du cheikh dont je vais vous mettre l'adresse. Naam, Akhi Talab El Aïm, on attend Inch'Allah toujours votre question. Salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Il y a une personne dans le salon qui était avec les Habbash. Et elle veut que vous lui donnez des arguments sur la question où est Allah, parce qu'elle a été trop embobinée. Donc il y a une personne dans ce salon qui nous entend, Inch'Allah, qui faisait partie des Habbash. Et elle veut que vous lui donnez des arguments ou des explications à propos de la question où est Allah, parce qu'elle a été trop embobinée. Et cherche juste avant de vous donner le micro, Inch'Allah, que cette personne qui nous écoute, sachez, ma soeur ou mon frère, que nous n'avons rien inventé dans la religion, et que si nous nous permettons de dire la question où est Allah Azzawajal, c'est parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a posé cette question à une servante. Et Inch'Allah, le cheikh, il va vous répondre. Salam alaykoum. Alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Et comme je vous ai donné une fois, si je vous ai donné, je vous ai donné une fois le conseil d'installer InSpeak. InSpeak, bi'idna ta'ala, je crois qu'il ne bug jamais. Wallahu ta'ala, d'après ce qu'on me dit. Parce que le Paltalk, Nam, c'est comme ça. Surtout que maintenant il y a un nombre, mashallah. Ensuite, dans l'InSpeak, Nam, comme maintenant, combien il y a de personnes dans l'InSpeak? 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 4, 6, 7 personnes, mashallah. Alors que dans le Paltalk, combien qui lève la main? Peut-être 30, peut-être 40, peut-être 50. Wallahu alam. Nam. C'est pour ça que les chances d'arriver à la question, c'est vraiment loin dans le Paltok. Dans l'esprit que c'est pris. Ensuite, autre chose, Inch'Allah Ta'ala, j'ai pensé, non, je vais le faire, Inch'Allah, très bientôt. Vous savez qu'il y a des mails, beaucoup des mails qui m'arrivent, tellement il y en a que je ne peux pas répondre. Tellement il y en a. J'ai pensé à une chose, je me suis dit que il y a des gens qui voudraient, non, leur réponse par mail. Yani, peuvent pas téléphoner, etc. Là, on leur interdit de me parler, ou là, Allahu alam. Je me dis que je vais voir comment faire avec certains frères, comment faire, pour que je vous réponde par audio. C'est-à-dire, je lis la question sans dire c'est la question de qui. Je lis seulement un début de la question, juste pour que la personne se reconnaisse. Ensuite, la réponse, je la mettrai dans une rubrique comme ça dans mon site. Dans mon site, je vais mettre comme ça audio. Audio. Ensuite, je ferai de sorte que quelqu'un me dise la question et je lui réponds comme ça. Ensuite, chaque personne rentre là-bas et cherche sa question. Sous chaque question, c'est écrit par exemple le début de la question pour qu'elle se reconnaisse la personne. Par exemple, BS. Ensuite, le début de la question. Ensuite, chaque personne concernée va entendre sa question, va entendre la réponse directement, inshallah ta'ala. Je pense que c'est une bonne idée. Allah subhanahu wa ta'ala, Adam, Alam, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide. Naam. Donc, si vous voyez ça, inshallah ta'ala, dans mon site, je vous donne le conseil de ceux qui n'ont pas posé de questions, c'est-à-dire que ce n'est pas la peine qu'ils rentrent là-bas, ce ne sont pas des audios. Ce ne sont pas des questions-réponses. C'est des questions-réponses personnelles. Celui qui n'a pas posé, qui n'a pas écrit des mails, c'est pas la peine, par exemple, qu'il aille là-bas pour écouter ce que j'ai dit aux gens. Naam. Des fois, ce sont des choses secrètes, ce sont des choses personnelles. Naam. Sauf celui qui a posé la question, il va chercher là-bas sa réponse. Allahu ta'ala alam. En ce qui concerne Allah subhanahu wa azzawajal, les gens de la sunna, les gens de la sunna et du consensus, ceux qui ont suivi les compagnons radiyallahu ta'ala anhum et ceux qui suivent le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et ceux qui suivent les grands imams comme Abu Hanifa, l'imam Malik et Shafi'i et Ahmed ibn Hanbal, hein, disent que Allah azza wa jalla est au-dessus des cieux tout en disant que rien ne lui ressemble. Quand ils disent qu'il est au-dessus des cieux, ils ne lui mettent pas une place. Ça ne veut pas dire qu'Allah Ta'ala a une place. Hacha lillah, ma'ad Allah. Si tu mets Allah Ta'ala dans une place, ça veut dire que la place est plus grande que lui. Si moi vous mettez dans une chambre, c'est que la chambre est plus grande que moi. Si je me mets à l'intérieur d'une voiture, c'est que la voiture est plus grande que moi. Alors que Allah Ta'ala est le plus grand. Ça? Naam. Mais Al-Sunnah al-Jama'a disent qu'Allah Ta'ala c'est le plus élevé. C'est pour ça que tu dis dans la salat, sabbih. Comment tu dis? Sabbih isma rabbika al-a'la. Al-a'la. Al-a'la, ça veut dire le plus élevé. Naam. Il n'y a rien d'élevé au-dessus d'Allah Azza wa Jalla. C'est lui le plus élevé. C'est pour ça qu'ils disent, Al-Sunnah al-Jama'a disent, il est au-dessus des cieux. C'est lui qui a dit dans le Coran, Amintum man fi samai an yakhsifa bikum al-ard fa idha hiya tamur. Est-ce que vous ne craignez pas celui qui est au-dessus des cieux? Et les versets sont clairs, hein, qui montrent que Allah Ta'ala est au-dessus des cieux, sans place, sans place. Lorsqu'il dit par exemple, Inna anzalnahu, naam, Inna anzalnahu, on parle du Coran, Inna anzalnahu fi laylatil qadr, on l'a descendu. Descendre, ça veut dire que pour faire descendre, il faut que tu sois en haut. Naam. Et quand il dit Tanzilun, min hakim min hamid, quand il parle des anges naam, qui descendent. Pourquoi les anges descendent? Ils sont envoyés par Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi le messager d'Allah alayhi wa sallam, pourquoi a-t-il fait l'ascension? Pourquoi il a fait l'Isra ou le Mi'raj? Mi'raj. Pourquoi il est monté? Pourquoi il n'est pas descendu? Pourquoi il n'est pas allé à droite? Pourquoi il n'est pas allé à gauche? Pourquoi Jibril alayhi salam l'a fait élever au-dessus des cieux? Naam. C'est aussi pour rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala. Mais Al-Sunnah al-Jama'a disent que Allah Ta'ala est au-dessus des cieux, naam, élevé, établi sur le trône. Établi sur le trône. Plus de 15 ou 17 versets qui parlent de l'établissement d'Allah subhanahu wa ta'ala au-dessus du trône. Naam. Quand on dit établi au-dessus du trône, ça ne veut pas dire que Allah Ta'ala est sur le trône, ça veut dire qu'il le touche. Comme moi je suis sur ma chaise, si tu m'enlèves la chaise, je tombe. Non, c'est comme tu dis le plafond est au-dessus de ma tête. Pourtant, le plafond ne touche pas ta tête. Tu dis les cieux sont au-dessus de ma tête, mais les cieux ne touchent pas ta tête. Naam, la même chose, Allah Ta'ala, c'est le plus élevé. Il y a le trône et il y a Allah Ta'ala plus élevé que lui, plus élevé. Voilà ce que veut dire, Allah Ta'ala s'est établi au-dessus du trône. Naam. Sachant que je viens, on pas tout, il y a 23 personnes. Naam. Donc, tous les savants, naam, tous les grands savants, sont unanimes pour dire ce qu'a dit le messager d'Allah. Naam, il a demandé à une petite bergère, il lui a dit, où est Allah? Elle a dit, dans les cieux, au-dessus des cieux, Fissama. Il a dit à l'autre, alors, Naam, libère-la, c'est une croyante. Les savants ont dit, le fait qu'elle ait reconnu qu'Allah Ta'ala était au-dessus des cieux est une preuve pour elle que c'est une croyante. Et ils ont dit, celui qui dit qu'il n'est pas au-dessus des cieux, c'est celui qui a la aqida de Pharaon, la aqida de Pharaon. Car Moussa alayhi salam, quand il a dit à Pharaon que Allah Ta'ala est au-dessus des cieux, alors Pharaon l'a démenti. Il a demandé à Qarun, il lui a dit, construis-moi une tour, je vais monter tuer ce Dieu dont me parle Moussa. Ça veut dire je ne crois pas, en ça. Celui qui dit que Allah Ta'ala n'est pas au-dessus des cieux, Abu Hanifa alayhi rahmatullah a dit il est kafir. Celui qui dit il n'est pas au-dessus des cieux. Ahmed a dit il est kafir. Non, mais nous, on ne va pas dire aux gens vous êtes des kofars, sinon on serait tous kofars, sinon tous nos grands-pères, tous nos grands-mères seraient des kofars, parce qu'elles ne connaissent pas, le dîn, elles n'ont pas étudié la aqida, elles n'ont pas suivi. Non, mais on apprend aux gens la aqida du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, la aqida qui se trouve dans le Coran. Non, et vous savez, un X est sur le 30, ça veut dire qu'il a une place. Mazal Adam Skin. Quand on a dit il s'est établi sur le trône, ça veut dire il est au-dessus de lui, c'est tout. S'il est au-dessus de lui, il n'a pas de place. Moi, quand je monte, si je pouvais monter sur la, si je pouvais voler, si je pouvais voler pour être le plus haut, ça ne veut pas dire que je suis sur quelque chose. Je ne suis pas assis sur le trône, je ne touche pas le trône. Allah subhanahu wa ta'ala, rien ne lui ressemble. Si on dit que il est dans cet endroit, ça veut dire quoi? On l'a mis dans une place. Mais on doit dire qu'il est sans endroit. Allah subhanahu wa ta'ala, il est sans endroit, mais il est au-dessus des cieux. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui-même, quand il voulait que la Qibla change, qu'est-ce qu'il se faisait? Il regardait souvent vers les cieux comme ça, en essayant, yani en souhaitant que Allah azza wa jalla descende quelque chose sur lui. Allah ta'ala a dit, لقد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. Allah Ta'ala a dit, nous voyons, nous voyons comment, yani, tu regardes comme ça dans les cieux, souhaitant que quelque chose descende. Pourquoi le messager de Allah regardait vers le ciel? Il regardait vers, où il sait que Allah Ta'ala est le plus élevé. De toute façon, ça, on l'a fait dans beaucoup d'oros et ça demande beaucoup de temps, beaucoup de détails, etc. On y reviendra, inshallah ta'ala, dans la aqida bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Mais je dis à mon frère Rada, en général, attention Ari, la secte des Habash est connue pour être une secte yani égarée. Une secte qui n'est pas, qui ne suit pas les hadiths authentiques. Chaque hadith qui est authentique, elle dit il est faible. Et chaque hadith qui est faible, elle rend authentique. Elle est connue pour être une secte qui ne suit pas al-sunnah al-jama'a, mais qui dévie le sens du Coran, dévie le sens des hadiths, affaiblit les vrais hadiths. Et yani, est vraiment loin de la aqida du messager d'Allah al-Islam et des quatre grands imams et des Khulafa et des compagnons radiallahu ta'ala. Suivant, inshallah, tafadhal. Umsana, votre question, barakallahu fikum. Salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu, Sheikh. Vous avez dit dans le cours qu'Allah Azza wa Jal complétera les prières obligatoires avec les nafila, avec les prières surérogatoires. Je voulais savoir si Allah Azza wa Jal les complète même si les nafilas ne sont pas faites en étant bien concentrés. Barakallahu fikum. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. La nafila, quand elle n'est pas bien concentrée, ça veut dire qu'il y a tout de même quelques concentrations. Quand on commence par dire Allahu Akbar, on est concentré. Ensuite, quand on commence au début, on est concentré. Ensuite, si on oublie et on revient, on est concentré. Et comme ça. Donc, supposons que la nafila, si elle était concentrée, par exemple, c'est par exemple 100 points. Maintenant, sans concentration, par exemple, ça descend à quoi? Ça descend à 30 points. Alors imagine, il prend 30 points de cette salade, 30 points, 30 points, 30 points, et comme ça, et il les met avec la salade obligatoire, bi'idhnillahi azza wa jal. De toute façon, n'oubliez pas aussi que chaque salade qu'on écrit, qu'on fait, Allah azza wa jal la multiplie par 10. N'oubliez pas que chaque salade qu'on fait, yani, la multiplie au moins par 10. Al-hasanatu bi ashrati amtaliha. Au moins par 10. Mais ça peut arriver à 20, 30, 40, jusqu'à 700. Allah azza wa jal a'lam. Tfaddal prochain. Assalamu alaikum. La question de InSpeak, Firouz Ad-Dilmi. Assalamu alaikum wa rahmatullah, Cheikh. Tout à l'heure, vous avez parlé que Allah Azza wa Jal a déjà décidé si on allait se marier ou pas, si on aura des enfants ou pas, etc. Est-ce que Allah peut avoir décidé pour nous quelque chose, tel que le mariage, et par la suite le divorce? Ceci en épreuve. Pour mieux comprendre, il nous a prescrit le mariage, puis ensuite divorcer, pour nous éprouver. Qu'Allah vous récompense pour tous les cours donnés, Amin. Wa alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Naam, c'est comme a dit la sœur. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit Amrul mu'min kullu wa khayr. Amrul mu'min kullu wa khayr. Tout ce qui arrive aux croyants, c'est un bien. Naam, qu'on comprenne ce bien ou qu'on ne comprenne pas. Que ce bien soit dans ce monde ou bien dans l'au-delà. Mais c'est toujours un bien. Toujours, toujours un bien. Même si on n'arrive pas à savoir quel est ce bien, il y a un bien. Même si on n'a pas vu le bien ici, le bien nous attend dans l'au-delà. Je donne un exemple très simple. Al-Albani, rahmatullah, dans Sahih al-Jama'a, a authentifié un hadith où il est dit que un homme, d'ailleurs c'est un sahabi, radiyallahu ta'ala anhu, avait rencontré une femme. Cette femme, autrefois, c'était une femme de joie. Et maintenant, elle avait fait la tauba. Ou là, c'était une mouchrika, elle est rentrée en islam. Quand il a rencontré ce compagnon, Naam, il a commencé à parler avec elle, il s'est oublié un peu, il a mis sa main sur elle, sur son épaule, ou là, elle lui a dit, il y a quelque chose comme ça, bah, elle lui a dit, enlève ta main, maintenant, le shirk est parti. Et l'islam est venu. Maintenant, il n'y a plus ces choses-là, on ne joue plus à ces choses-là. Al-Muhim. Quand elle lui a dit comme ça, ça l'a tellement touché que, Naam, il s'est bien sûr, il s'est détaché d'elle. Il a retroussé yani, ses chevilles et il a commencé à partir. Il est parti. Il est parti, il a tourné ses talons, il est commencé à en train de partir tout en la regardant. Tout en la regardant, yani, et puisque sans le vouloir, il s'est frappé la tête contre un mur. Naam, il s'est frappé la tête contre un mur. Ça lui a fait vraiment, vraiment mal. Il est parti au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et lui a dit, voilà ce qui m'est arrivé. Vous voyez, quelqu'un qui fait yani, une chose et qui revient vers Allah, subhanahu wa ta'ala, avec cette grande sincérité, alors que personne ne l'a vu. Il est allé raconter au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Al-Muhim, que lui a dit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, Anta rajulun arada Allah bika khayran. Il lui a dit, toi tu es un homme que Allah ta'ala lui a voulu du bien. Ida arada Allah bi abdin sharran, wafahu bi dhanbih. Wafahu wa dhanbahu, ou wafahu dhanbahu yawm al-qiyamah. Si Allah subhanahu wa ta'ala lui a dit, veut du mal de quelqu'un, il le laisse. Avec quoi? Avec son péché jusqu'à ce qu'il le rencontre Yom Al-Qiyama. Al-Muhim, cette personne qui s'est cogné la tête contre ou le visage contre le mur, c'est un mal pour nous, on dit subhanallah. Je me suis cogné la tête, c'est un mal. Mais en fait, c'est un grand bien. Pourquoi? Parce que cette chose m'a enlevé le péché que je venais de faire. C'est pour ça que tout ce qu'on ressent comme mal, comme chagrin, comme le cœur qui est gros, tout ça, ça rentre dans quoi? Ça rentre, bi'idhna azza wa jal, dans les hasanat. Allah azza wa jal t'annule avec cela beaucoup de quoi? Beaucoup de péchés qu'on avait fait. Et en plus de cela, c'est un bien pour nous, qu'on le sache ou qu'on ne le sache pas. Parce que si on a divorcé, il faut se dire que si j'avais vécu avec cet homme, Peut-être qu'il me serait arrivé telle ou telle chose. D'où je sais, moi, d'où je sais que cet homme n'allait pas me poignarder. D'où je sais que cet homme n'allait pas me tuer, m'empoisonner. D'où je sais qu'est-ce qui va se passer avec cet homme. Ensuite, le divorce en lui-même, là, ça demande beaucoup de patience. Et cette patience, elle ne va pas comme ça dans le vide. Allah Azzawajal va écrire là, tout ce que sur cette personne. Surtout si elle a été divorcée injustement. Là. Et peut-être que Allah Ta'ala nous veut une meilleure personne que celle-là. Nous veut une meilleure personne que la première. Là, à condition, comme j'ai dit, la personne qui divorce a disons, a des raisons justifiées, acceptées par l'islam. Naam. Tfadl, inshallah ta'ala, suivant. Bint Khadija, c'est à votre tour, barakallahu fikoum. Salam alaykoum. Les groupes qui ont une aqida déformée, comme les Ikhwan, les Soufis, font-ils partie des 72 partis promis au feu? Et si oui, y resteront-ils éternellement? Barakallahu fikoum. Alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. La faction, ou le groupe qui sera sauvé, des 73 groupes de la nation du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, c'est le groupe qui portait la même aqida qu'avait lui, sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça qu'il a dit dans un hadith authentique, Man kana ala ma ana alayhi wa ashabi. Man kana ala ma ana alayhi wa ashabi. Celui qui veut être sauvé des innovations dans cette vie et de l'enfer demain, alors celui-là il doit suivre et avoir la aqida du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons. Les ikhwan ont une aqida déformée parce que c'est une aqida mélangée. Aqida asharite est mélangée avec beaucoup de choses. Parce qu'ils n'étudient pas la aqida, ils sont connus. Les ikhwan sont les spécialistes de la politique. La politique. Et ils lisent beaucoup plus le journal que le Coran. Et ils connaissent beaucoup plus les anachides que le Coran. Naam. Ils sont connus pour naam, le parlement, le vote, la mairie, les kdam, ils sont des spécialistes. Naam. Mais leur aqida est moins grave comparée à celle des soufis. Les soufis, c'est des adorateurs des tombes, c'est. Ils font le grand shirk, ils font assister le djinn, ils font le sihr, ils font ado yani, ils sont vraiment yani loin, ils sont vraiment loin. Mouhim, est-ce que ils font partie des 72, ils font, est-ce qu'ils resteront éternellement au feu? C'est comme Adi ibn Taymiyyah rahimahullah, il a dit d'après leurs péchés. Il y a des péchés qui font sortir de l'islam et qui vont faire de la personne qu'elle soit éternellement au feu, et il y a des péchés qui ne vont pas faire sortir de l'islam et qui ne font pas sortir de l'islam et qui feront que si Allah Ta'ala ne pardonne pas cette personne demain, elle commence par l'enfer et elle sort. Elle sort après un jour, deux jours, un an, 10 ans, Allah alam quand, mais elle sort. Donc on ne peut pas juger comme ça généralement, mais on juge d'après les personnes elles-mêmes. Naam. Wallahu Ta'ala alam. Tfadl, suivant. Salam alaikum. C'est la question de Médine 44. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, Sheikh. Concernant le trône d'Allah Azzawajal, est-il sur l'eau ou est-il au-dessus de l'eau? Sachant qu'il y a 8 anges qui portent le trône. Et quelle est la preuve qu'il y a un repose-pied? Barakallahu fikum. Je demande à Allah Azzawajal qu'il vous récompense de la meilleure des manières et qu'il préserve vos 7 enfants. Amin. Wa alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Naam. En ce qui concerne le trône d'Allah subhanahu wa azzawajal, naam, il a dit wa kana arshuhu ala al-ma, fi al-Bukhari. Wa kana arshuhu ala al-ma. C'est-à-dire que son trône est au-dessus de l'eau, sur l'eau, si je puis dire. Naam. Naam. Reste à savoir, est-ce qu'il l'est toujours ou pas? Parce que Allah Ta'ala a dit wa kana arshuhu. Est-ce qu'il est toujours ou pas? Comme on dit, wa kana Allahu Par exemple, Sami'a Nadima. On ne peut pas dire qu'il n'est plus. Car ça concerne Allah subhanahu wa ta'ala. Non, mais en ce qui concerne le trône, est-ce qu'il y a une réponse à cela précise? Allah subhanahu wa ta'ala alam. Mais le jour de la Qiyama, les huit anges, non, qui portent le trône, et Cheikh Ibn Uthaymeen rahmahu a dit qu'entre autres, il y a Israfil et Jibril parmi les huit. Je ne connais pas un hadith dans ce sens, mais comme ça dit Cheikh Ibn Uthaymeen rahmahu, ça peut être, yani, ce n'est pas étonnant qu'en même temps, il soit au-dessus de l'eau, le sur l'eau, et qu'en même temps, il y a des anges qui le portent. Ça relève du domaine de Mawara al-Maut. Ça relève du domaine du Barzakh. Ce sont des choses là-bas qu'on ne peut pas yani, faire analogie. Maqdash ndir qiyas. Ce sont des choses en lesquelles il faut croire, c'est tout. Quant au repose-pied, quelle est la preuve qu'il y a? Comment qu'il a dit? Quelle est la preuve qu'il a un repose-pied? La preuve qu'il a un repose-pied, c'est Allah Ta'ala qui a dit dans le Coran. Wasi'a kursiyuh. Naam. Wasi'a kursiyuh samawati wal ard. Et le coursi, c'est le repose-pied. Le coursi, lui-même, c'est le repose-pied, car beaucoup se trompent et croient que le trône, c'est lui-même le repose-pied. Alors que le hadith est vraiment clair, où le messager d'Allah, alayhi sallam, a dit que « Matalu samawati sab'a, matalu samawati sab'a fi coursi, kamala ka halakatin ulqiyat fi falat min l'ard. Wa fadlu l'arshi ala l'coursi, ka fadli donc le messager de l'Allah a dit que les sept yeux comparés au repose-pied, c'est comme une bague jetée dans le désert. C'est quoi yani, la valeur d'une bague comparée au désert, grand désert? Qu'est-ce qu'elle vaut? À peine si on peut la voir. Ensuite il a dit et la valeur du trône, comparé à ce repose-pied, c'est comme quoi? C'est comme le désert qu'on compare à cet anneau. Subhanallah al-Azim. Masha'Allah. Et pour terminer, je demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il te donne sept enfants quand tu te maries. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il te donne sept enfants quand tu te maries. Atfadla le prochain. C'est la question de Maïsara 1. Salam alaikum. Vous avez dit auparavant que les âmes des morts rencontrent celles du nouveau mort. À quel moment exactement la rencontre est-elle? Est-ce juste avant que l'âme sorte du corps? Et donc les autres âmes sortent-ils de leur sommeil de temps en temps? Je répète, Chir, parce que j'ai pas compris. Donc, si j'ai pas compris, vous avez peut-être pas compris. Salam alaikum. Vous avez dit auparavant que les âmes des morts rencontrent celles du nouveau mort. À quel moment exactement la rencontre se fait-elle? Est-ce juste au moment de la mort, quand l'âme sort du corps? Et donc, les autres âmes sortent-elles de leur sommeil de temps en temps? On a vu dans le hadith authentique que lorsque les anges yani, aident l'ange de la mort pour que l'âme sorte, ensuite c'est qui? C'est l'âme de la mort, Malik al-Maut, c'est lui le seul qui a le droit de la faire sortir. Quand il la fait sortir du corps, aidé par les autres, dès qu'elle sort, les anges la prennent de sa main et Naam, Yanis la dispute même. Al-Muhim. Ensuite, ils vont monter avec cette âme dans les cieux. Quand ils arrivent au premier ciel, etc. Et en montant comme ça, ils vont rencontrer les âmes des croyants. Ils vont les rencontrer comme ça, en montant, Naam, dans les cieux, dans chaque ciel et comme ça. Naam, parce que les âmes des croyants, quand on meurt, Naam, des fois, elles sont dans la tombe, des fois, elles sont au paradis, comme dans le hadith sahih, que l'Azhar les met dans un oiseau, si les shahid, c'est un oiseau vert, hein, qui sont en train là-bas de, de manger des arbres du paradis, sinon ce sont des oiseaux. Il a des tayr, tayr, je ne sais pas si on dit en français un oiseau là, un mohim. Et des fois, comme je dis, elles sont là au milieu, comme a dit l'imam Malik rahimahullah. Il a dit, ces âmes, yani, après la mort, yani, il n'y a rien yani, qui puisse yani, montrer exactement où elles sont. Il y a des hadiths qui disent qu'elles sont dans la tombe, parce que le messager d'Allah a dit que le croyant yani, se faisait la salat dans la tombe, et on lui montre, bien sûr, le paradis, il est là. Il y a un hadith où il dit, on lui dit, dors jusqu'à ce que tu réveilles le meilleur de ta famille. Et il y a d'autres qui disent, hadith des authentiques, qui disent, il est dans le paradis. Et d'autres disent que le mort, lorsqu'il meurt, il y a les âmes qui l'entourent et commencent à lui poser des questions. L'âme, où est X? Est-ce qu'il s'est marié? Comment tu l'as laissé? Comme ça. Donc, il y a cette rencontre après la mort. En ce qui concerne quand on dort aussi, à chaque fois qu'on dort, notre âme nous quitte, nous quitte. Plus on est pur, plus on est pur, on est dormi, purifié, on a un cœur pur, on a peur d'Allah, on a fait beaucoup de, on a bien travaillé ça, taqwa, etc. Plus notre âme monte vers Allah subhanahu wa ta'ala. Des fois jusqu'à ce que on voit le messager d'Allah, on voit les compagnons, on voit le paradis, on voit. Et plus on est faible, plus quand notre âme sort de nous, elle ne reste que devant notre tête, peut-être à quelques centimètres de notre tête. Elle ne va pas loin. Allah subhanahu wa ta'ala, a'lam. Et ensuite, il y a Muslim 6 qui dit, et pour moi, faites aussi des doigts pour que j'en ai 7 enfants. Allah al-Azim, an yumatti'aka bi sab'at abna'. Sabat Aulad. Amin. Non, je parle des âmes des morts. Qu'est-ce qu'elle a dit? Et donc, les âmes sortent-ils de leur sommeil de temps en temps? Non, les âmes des morts. Les âmes des morts, non, de temps en temps, elles quittent quoi? Elles quittent le maqbara. Elles quittent le cimetière. Comme j'ai dit. Pour qu'elles aillent rencontrer les autres. Non. Le hadith et a été jugé bon par Cheikh Al-Albani rahimahullah. Tfadlal. Salam alaikum. C'est au tour de Albani Muslim et Inch'Allah, Cheikh, on vous rappelle qu'il est 23h30. Donc, Inch'Allah, ça sera peut-être les dernières questions. Albani Muslim, salam alaikum wa rahmatullah. J'aimerais savoir si au paradis on verra les gens qu'on connaît dans ce bas monde, ainsi que la famille. Et j'aimerais savoir ce que veut dire le mot aqida pour la vie du musulman. Je ne sais pas si vous répondrez car c'est un peu trop. Mais lorsqu'on est en prière, peut-on penser au paradis? Barakallahu fikoum. Wa alaykoum salam wa rahmatoullahi wa barakatuh. Naam, au paradis, on verra toutes les personnes qu'on connaît dans ce bas monde. Naam, on verra la famille, etc. C'est pour ça que beaucoup de hadiths disent que, par exemple, que yani, il sera avec sa famille au paradis. Même d'ailleurs, le mort, qu'est-ce qu'il y dit? Yani, je voudrais, oh Allah, yani, fais de sorte que la résurrection vienne, yani, le qiyama, pour que je rencontre ma famille et mes biens. Ma famille et mes biens. Allah Ta'ala dit, Al-haqna bihim dhurriyyatahum. Allah Subhanahu wa Ta'ala dit dans le Coran, ceux qui vont entrer au paradis, nous allons les faire suivre par leurs enfants. Naam. Et tout le monde sait que dans le paradis, il y a tout ce qu'on veut et tout ce qu'on souhaite. Bien sûr qu'on les reconnaîtra, c'est normal qu'on les reconnaîtra. Naam. On les reconnaîtra. Naam. Sinon, à quoi ça sert de ne pas reconnaître mon père et de ne pas reconnaître ma femme? À quoi ça me sert? Naam, on les reconnaîtra, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Et on les reconnaîtra aussi quand on sera dans les cours de l'Qiyama. Quand on, comme a dit Allah Ta'ala, yawma yafirru al-mar'u min abih, ou min akhih. Naam, min akhih. Il a dit le jour où les gens fuiront de leur frère, ensuite on lui a dit de son père, de sa mère. Donc, pour fuir de quelqu'un, il faut le reconnaître aussi. S'ils ne sont pas dans le dîn, s'ils ne sont pas dans le dîn, on ne les rencontre pas dans le paradis. S'ils ne sont pas dans le dîn, on va leur rendre visite quand ils sont dans l'enfer. On va leur rendre visite comme on va rendre visite de nos jours aux gens qui sont en prison. Aux gens qui sont en prison, dans la même chose. On va leur rendre visite là-bas, inshallah ta'ala. Ensuite, Naam. Et il a dit, est-ce que dans le salat, on peut penser au paradis? Naam. Quand on lit des versets qui ont rapport au paradis, quand on pense à Allah, on pense à son paradis, etc., ça ne rentre pas dans la distraction. Naam. La distraction, c'est quand on pense au stade. On dit qui va gagner, Manchester ou la Mönchengladbach? Qui va gagner? Qui va marquer? C'est interdit. Mais quand on pense à son paradis, à son enfer, tout ça, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Tfadla, inshallah, le prochain. Je vais ajouter quelques temps, inshallah, et je vais m'arrêter. Tfadla, inshallah. Salam alaykoum ya Cheikh. Par rapport au hadith qui dit que la dernière parole de la personne qui dit la shahada entrera au paradis, est-ce que cela veut dire qu'il ne sera pas châtié, ni dans la tombe, ni dans l'au-delà, s'il fait des péchés? Merci beaucoup, beaucoup, ya Cheikh, je vous aime en Allah, ainsi que mes frères et sœurs du salon. Alaykoum salam, rahmatoullah, que Allah subhanahu wa ta'ala t'aime comme tu m'as aimé. Le hadith, ce n'est pas comme ça son sens. Son sens, c'est celui qui dit, il termine, il a sa vie par shahada. Naam, les deux shahada, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Allah ta'ala va lui garantir le paradis. Mais ça ne veut pas dire qu'il va aller dire une grande différence. Naam, ça veut dire que quoi? Que au moins, yani, un jour, yani, il faut que ce jour arrive, qu'il sortira de l'enfer pour aller au paradis. C'est-à-dire le paradis est garanti pour lui. Mais ce qui n'est pas garanti, c'est qu'il aille directement au paradis. Ça, non. Ça demande, comme vous savez, on l'a vu tout à l'heure, ça demande certaines conditions. Naam. Mais il a gagné que, alhamdoulilah, moins il ira au paradis, car il y a des gens qui n'iront jamais au paradis. Ce sont les kuffars. Naam. Tfadlan, inchallah, le suivant. La question de Marwa, une sœur. Salam alaykoum. Nous habitons dans un pays de Kouf. Nous sommes conviés à faire du bien. Quand on sait qu'il y a une salat janaza, est-ce qu'en tant que femme, on peut y aller? Souvent, cela se passe dans des hôpitaux. Barakallahu fikoum. Naam, si muslim, si c'est ça, en région parisienne, ailleurs, je sais pas. Quand une personne, elle meurt à l'hôpital, ils gardent le corps à l'hôpital pendant 3 jours pour des raisons administratives. Et souvent, si le corps, il va être emmené en Algérie ou au Maghreb ou ailleurs, les frères de France, on va à l'hôpital, on fait salat janaza à l'hôpital, dans une salle, dans la morgue, quoi, dans une salle qui est réservée pour ça. Ensuite, le corps, il part au pays. Ou sinon, parfois, dans un autre endroit qui s'appelle institut médico-légal. Quand la personne elle meurt par exemple d'un accident ou de quelque chose, ils l'emmènent dans un endroit, ils font une autopsie. Ensuite, nous les frères, on fait salat janaza dans cet endroit-là. C'est comme un hôpital aussi. Et donc la sœur elle demande, quand il y a on sait qu'il y a une salat janaza, est-ce qu'en tant que femme on peut y aller? Salam alaikum. Alaykoum salam wa rahmatoullah. Salat al-janaza en elle-même n'est pas interdite pour la femme. D'ailleurs, Aïcha radiallahu ta'ala anha a demandé, Naam, a demandé de faire la prière sur Saad ibn Abi Waqqas, qu'on l'emmène à la mosquée pour qu'elle fasse la prière sur lui, elle et certaines épouses du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ce qui est interdit pour la femme, c'est de la suivre. Naam. Et ça n'est pas vraiment aussi interdit. Parce qu'elle a dit, elle a dit, walam yazim. Mais, quant à la salade, c'est une salade comme les autres. Reste à savoir, est-ce qu'il y a yani, l'endroit où faire la prière et est-ce que ce n'est pas mélangé, les femmes derrière et les hommes à l'avant comme dans la mosquée. Naam. Mais si c'est tout mélangé entre eux, etc., ça devient interdit en ce sens. Naam. Sinon, tout le monde sait que la personne qui meurt dans un pays de coffre et qui va aller dans un pays algérien ou là, dans un pays musulman, que là-bas, bien sûr, ils vont faire la salat janaza sur lui. Là-bas, dans le pays musulman, ils vont faire salat janaza sur lui. Et ce qui est malheureux, c'est pour ceux qui sont enterrés dans les pays de coffre. C'est malheureux pour eux parce que d'abord, c'est il y a peu de gens qui font la salat sur eux. Et deuxièmement, ils sont enterrés dans un cimetière de coffre. Et troisièmement, ils seront incinérés si on pète. C'est vraiment malheureux et désolant pour celui qui meurt dans un pays de Kofnam. Alors que le hadith du messager d'Allah a dit, si jamais une personne qui meurt, s'il y a 40 personnes qui sont bien dans la Aqidah et qui font la prière de Janaza sur lui, Allah Ta'ala pardonne à ce mort. S'il y a 40 personnes qui sont, mashallah, sur Minhaj Aqidah et font la salat sur toi, déjà, tu as cet avantage que Allah Ta'ala t'annule tous tes péchés. Regardez, 40. Il y a des gens qui ont dans leur janaza personne. Autrefois, il y avait jusqu'à Ahmed Ibn Hanbal, quand il est mort, il y avait jusqu'à 1 million. Naam. Subhanallah. Ce qui l'a gêné, c'est qu'elles étaient deux sœurs, et tout le reste, c'était des hommes. Cela a intrigué. Naam. Ça peut intriguer un peu parce qu'on est seulement deux femmes. Et on est entouré de tant d'hommes, c'est pour ça que ça devient un peu gênant. Mais la salat en elle-même, elle est acceptée. Reste, comme j'ai dit tout à l'heure, la gêne, Hadi. Naam, tfaddal le suivant. Salam alaikum. Cheikh, Inch'Allah, en attendant la prochaine question, je voulais juste vous donner un complément, qu'en France, il n'y a qu'un seul cimetière qui est un cimetière musulman. Un seul. Ce n'est pas un carré musulman, c'est un cimetière qui est fermé de murs, et dans ce cimetière, il n'y a que des musulmans, et jamais ils vont les déterrer, et jamais ils vont les brûler ou faire comme ils font dans les autres. Il n'y en a qu'un seul, c'est le cimetière de Bobigny, qui est un cimetière musulman. Salam alaikum. Par rapport aux 70 000 personnes qui entreront dans le paradis sans jugement ni châtiment, est-ce que cela veut dire qu'il est préférable de ne pas faire Ruqayya et pour la maladie de placer sa confiance en Allah Azzawajal? Et par rapport à la prière, est-il permis à une étudiante de prier dans sa voiture lorsque l'heure va passer? Barakallahu fikum. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Le messager d'Allah alayhi salam avait demandé à ses compagnons, avait demandé à ses compagnons, quand ils ont fait l'allégeance, le bay'a, quand ils ont fait l'allégeance, il leur a demandé de faire l'allégeance, de ne pas associer Allah subhanahu wa ta'ala, bien sûr, et de ne pas faire la zina, le shirk, etc. De ne rien demander aux gens. De ne rien demander aux gens. C'est pour ça que ces 70 000-là ne demandent rien aux gens. Il lui dit même pas, fais-moi la ruqya. Car dire fais-moi la ruqya, c'est lui demander une aide. Naam, moi je suis faible. Et je commence à comme ça à m'avilir devant lui. Non? Lui, il est mashallah, et moi, je suis rien. Il va me faire rien. J'ai besoin de lui. C'est pour ça que ceux-là placent leur confiance directement en Allah subhanahu wa ta'ala. Les savants ont dit, si quelqu'un, si quelqu'un, d'ailleurs, je dis une autre chose, c'est pour ça que les savants ont dit, si par exemple, tu vas à l'hôpital rendre visite à un malade. Ils ont dit, naam, si tu sais par exemple lire ou là, yani, mets tes mains par exemple sur sa tête ou là, et lis-lui un peu le Coran. Fais-lui une petite ruqya comme ça, avant qu'il ne te demande de lui. Pourquoi? Ils disent pour que il reste 70 000. Ne le pousse pas à sortir des 70 000 en te demandant. Alors fais-lui la ruqya directement. Naam. Mais ça ne veut pas dire qu'il est interdit de faire la ruqya. Ça ne veut pas dire. Car certains savants ont dit ce hadith signifie que certains gens demandaient la ruqya sans qu'ils étaient malades. Ils n'avaient rien, mais ils allaient comme ça et demandaient la ruqya. Comme ça, ont expliqué beaucoup de savants ce hadith. Mais ils ont dit, mais si quelqu'un est dans la maladie, et qu'il sait que, par exemple, il y a des gens qui sont dans la sunna, etc. Et alhamdoulillah, savent comment faire sortir le djinn, etc. Il est permis de la faire. Mais ceux qui vont la faire doivent placer toujours leur confiance en Allah, que c'est Allah Ta'ala qui guérit. Naam. C'est Allah Ta'ala qui guérit et ce n'est pas celui qui me fait la ruqya. Et moi, je voudrais guérir. Pourquoi? Ce n'est pas seulement pour cette belle vie, pour marier, etc. Je voudrais guérir pour me trouver ma santé, pour adorer Allah, pour être conscient, pour avoir un esprit lucide, pour li lire les livres, pour yani, me vider à l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut avoir cette niya, inshallah ta'ala. Et il est permis à une étudiante de prier dans sa voiture, il est permis à tout le monde de prier dans sa voiture quand il sait que yani, l'heure va sortir. Naam. Il est permis à toute personne qui est dans le bus ou là, dans le train ou là, de faire sa salat si elle sait que, en arrivant à la maison, hein, elle trouvera le moment de la salat sortie. Allah subhanahu wa ta'ala, a'lam. Tafadhal. Salam alaykoum wa rahmatullahi wa barakatuhu. J'espère que vous allez bien ainsi que votre santé. Alhamdulillah. J'aimerais savoir quel est le plus aimé auprès d'Allah Azzawajal lors du dernier tiers de la nuit, avant Salat de l'Fajr. Lire beaucoup de Coran et l'apprendre, ou bien de faire beaucoup de rakat. Si le plus méritoire est de multiplier les rakat, quel est le mieux? D'en faire beaucoup en récitant de courtes sourates, ou bien d'en faire moins en récitant des longues sourates. Et dernière chose, s'il vous plaît, quel conseil pouvez-vous nous donner pour l'apprentissage des sourates? De commencer par la Baqara ou l'Imran, ou bien les moins longues pour pouvoir les lire entièrement dans nos salawat. Jazakallahu khairan, Cheikh. Muslim, barakallahu fik, est-ce que tu peux lire la question? Est-ce que tu peux lire les questions, inshallah? Barakallahu fik. Assalamu alaykoum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez bien ainsi que votre santé, alhamdulillah. J'aimerais savoir quel est le plus aimé auprès d'Allah lors du dernier tiers de nuit ou avant Salat al-Fajr. Lire beaucoup le Coran et l'apprendre ou bien de faire beaucoup de rak'at. Si le plus méritoire est de multiplier les rak'atin, quel est le mieux d'en faire beaucoup en récitant de courtes sourates ou bien d'en faire moins en récitant de longues sourates? Et dernière chose, s'il vous plaît, quel conseil donnez-vous pour l'apprentissage des sourates, de commencer par sourate al-Baqara ou al-Imran, etc. ou bien les moins longues pour pouvoir les lire entièrement dans nos salawat. Jazakumullahu khayran, cher. Tfadal, cher. Elle dit, quel est le plus aimé auprès d'Allah lors du dernier tiers de nuit? Bon, lire beaucoup le Coran et l'apprendre, ou bien de faire beaucoup de quoi? De rak'at. Si le plus méritoire est de multiplier les rak'at, quel est le mieux? D'en faire beaucoup en récitant de courtes sourates, ou bien d'en faire moins en récitant de longues sourates? Non, je commence donc, Inch'Allah ta'ala, par la première question. Non. Allah subhanahu wa ta'ala vous a demandé, enfin, notre dîn nous demande, pour ceux qui peuvent bien sûr, hein, de consacrer le dernier tiers, hein, à l'adoration. Et l'adoration, la meilleure qui vient en premier lieu, c'est d'abord le Coran. C'est d'abord la salat, c'est d'abord la salat. Hein, c'est elle qui vient en premier lieu. Hein, ensuite vient, en deuxième lieu, apprendre le Coran. Non. Mais ce qu'il faut faire, c'est voir aussi qu'est-ce qu'on ressent. Des fois, quand on fait la salat, ensuite, on sent un besoin de yani, on est, je sais pas comment on dit ça en français, yani, on préfère yani, s'arrêter un peu. Et d'autres, quand ils disent le Coran, ils trouvent mieux. Ils trouvent yani, une saveur yani, qui est plus grande que celle de la prière. C'est pour ça que moi je conseille, si quelqu'un pouvait par exemple se lever comme ça la nuit, hein, qu'il fasse par exemple 4 prières, 4 rak'at, 4. Ensuite, par exemple, qu'il lise un peu le Coran, qu'il l'apprenne. Comme ça, il a joint entre les deux, bi'idhna azzawajal. Comme ça, il a joint entre les deux. Et quant à si la prière c'est la meilleure, qu'est-ce qui est mieux? De prier longuement ou de faire de courtes salates? Ce qui est mieux pour celui qui connaît le Coran, de prier longuement. Car le messager d'Allah a fait la prière de la nuit en lisant dans une seule raka, il a lu Al-Baqara et Nisa et il est revenu à Ali Amran. Tout ça dans une seule raka, imaginez, toute Al-Baqara. Ensuite, il a sauté Ali Amran, il est allé vers Nisa, il l'a lu toute. Il est revenu vers Ali Amran, il l'a lu toute. Tout ça dans une raka. Subhanallah al-Azim. Et enfin, on commence par quoi pour les sourates? Ceux qui ont vraiment, vraiment, vraiment yani de la volonté, naam, qui commencent par le Baqara. Celui qui a vraiment la volonté. Mais celui qui se sent faible, qu'il ne le fasse pas. Car le Baqara, quand il va la commencer, il va rester un mois, il ne va pas la finir. Et il risque de dire, subhanallah al-Azim, comment ça? Depuis, ça fait un mois que je suis toujours dans le Baqara, donc j'avance pas, moi je vais arrêter. Tandis que s'il apprend les sourates courtes, il sent à chaque fois qu'il a fait quelque chose. Alhamdoulilah, j'ai terminé le Naba, alhamdoulilah, j'ai terminé le Fajr, alhamdoulilah, j'ai terminé cette sourate, alhamdoulilah, il sent quelque chose qui l'encourage. Naam. C'est pour ça que de nos jours, Allah alam, si on commençait par yani, les petites ou les moyennes, ce serait mieux. Bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Naam, c'est ça ma nasiha. Wallahu azza wa jalla a'lam. Naam. Atfadla le prochain. Naam, donc on passe à InSpeak, Inch'Allah. Donc c'est au tour de Saliha. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Qu'Allah vous récompense pour le temps que vous nous accordez et vous augmente en science. Amin. J'ai entendu une personne dire que le café l'aidait à ne pas dormir, la tenait éveillée. Une autre personne l'a reprise en lui disant que ce qu'elle venait de dire était du shirk mineur. Est-ce vrai? Jazakumullahu khayran. Tafadhal shir. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. En fait, inshallah ta'ala, le fait que le café, naam, aide à ne pas dormir et tient la personne éveillée n'a rien à voir avec le shirk. Naam. Le café contient une matière qui naam, fait de sorte qu'elle enlève le sommeil. Et ça, c'est connu par tout le monde. C'est connu par tout le monde. Naam. Donc, le fait que ça laisse la personne éveillée, c'est connu, prouvé médicalement, etc. Ça n'a rien à voir avec le shirk. C'est comme naam, la caféine. C'est comme si quelqu'un qui disait que si je, par exemple, si je prenais beaucoup de miel, par exemple, il va dire j'aurais la diarrhée. Donc il va lui dire non, ça c'est du shirk, il ne faut pas dire comme ça. Ça n'a rien à voir avec le shirk bi'ilna azza wa jalla. Et un élève du shirk Muqbil rahimahullah, qui a étudié chez lui, m'a dit une fois, des amis à moi ont posé la question au shirk Muqbil rahimahullah. En ce qui concerne quelqu'un qui boit le Nescafé. Et que Cheikh Mokbar Rahimahullah a dit que le Nescafé Ada contenait la caféine ou quelque chose comme ça et qu'il était interdit. Ensuite, quand il a dit ça à Ali Rahmatullah, beaucoup n'ont pas été convaincus et ils ont décidé de téléphoner à Cheikh Al-Albani Rahimahullah. Quand ils ont téléphoné Rahimahullah, naam, il n'a pas compris ce que c'est. Ils lui ont dit quelque chose comme ça en noir, yani qui ressemble à du café. Il leur a dit, il n'y a pas quelque chose en noir qui ressemble au café si elle n'a pas de nom. Dites-moi comment ça s'appelle. Ça s'appelle. On lui a dit, ça s'appelle. Naam, une chose qui est noire. On a dit à Cheikh Al-Albani, c'est quelque chose qui est noir, etc. Il a dit, ça doit avoir un nom. Dites-moi le nom. On lui a dit, ça s'appelle Nescafé. Il a dit, ah bon, Nescafé. Il a dit, justement, ce Nescafé, naam, j'en bois personnellement et naam, c'est avec ce Nescafé que je m'aide pour ne pas dormir et faire des recherches, etc. Naam, vous voyez, est-ce que ici, Cheikh Al-Albani a fait du shirk en disant que je bois Nescafé qui m'aide à faire des recherches. Donc, c'est impossible. Naam. À tout le monde, Inch'Allah, le prochain. Donc ça aboutira 93, Inch'Allah, sur Paltalk. Salam alaikum, Cher. Je sais qu'il n'est pas de l'habitude du musulman de parler sur autrui, mais afin de connaître la vérité, est-ce que le Hamas a une aqida sahiha? Sinon, pouvez-vous nous dévoiler le aqida? Cher, est-ce que vous avez dit que les gens du paradis pourront voir ceux en enfer? Tfadal, Cher. Non. Pour ceux qui, celui qui m'a posé la question, qui je viens de voir le drapeau, etc. Le drapeau, etc. Non. Le drapeau, s'il y a un drapeau de pays de coffre, ça devient mouchkila, ça devient un problème. Non. Mais si c'est un drapeau musulman et quand ce drapeau, c'est juste un drapeau, c'est-à-dire on ne lui fait pas la révérence, etc. Inch'Allah ta'ala, c'est permis. Non. Les gens de Hamas, j'ai dit que c'était des frères musulmans. Les frères musulmans, vous savez que, comme j'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas la aqida. La aqida et le minhaj, il ne faut pas en parler, c'est vraiment tout est mélangé. Non. Mais ça ne veut pas dire que, puisqu'ils sont comme ça, que yani, on ne va pas faire des doigts pour eux, surtout ce qu'on fait des sionistes. Non. Il ne faut pas oublier que. Yani, ce qu'ont fait les sionistes, et que même maintenant, s'ils sont une aqida pareille ou là, vous voyez, yani, les gens qui n'ont rien à voir avec cette aqida, comme les femmes, les enfants, etc., qu'est-ce qui leur est arrivé? Et le juif, c'est toujours ton ennemi jusqu'à la fin du monde. Le juif, c'est toujours ton ennemi jusqu'à la fin du monde. Ensuite, quand j'ai dit que les gens du paradis pourront voir ceux de l'enfer, non. C'est vrai, ils pourront voir ceux de l'enfer. Comme a dit Allah Ta'ala dans le Coran, Kullu nafsin bima kasabat rahina illa ashab al-yamin. Fi jannatin yata'aluna 'an al-mujrimin ma salakakum fi saqar? Qalu lam nakum min al-musallin. Donc, Allah Ta'ala a dit que le jour de la résurrection, quand les gens seront au paradis, qu'ils iraient, il y en a certains, ils iraient faire visite à certains gens de l'enfer, ils vont leur dire qu'est-ce qui vous a jeté en enfer. Ils vont dire que voilà ceci et cela, on faisait pas la salat, et il a cité le verset. Naam. Fadlan, inchallah ta'ala, le suivant. Donc là, c'est Ibrahim. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Quelles sont les divinités que les juifs adorent? Ils ont tué des prophètes et menti sur les prophètes d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Cela suffit à dire qu'ils sont mécréants. Quelles sont leurs divinités au juste, car ils sont bien polythéistes? Barakallahu fikum. Tfadal, cher. Les juifs, non, yani, ce sont vraiment les ennemis d'Allah subhanahu wa. Avant cela, ce sont les ennemis des prophètes. Ils ont tué combien de prophètes et égorgé combien de prophètes? Non. Ce sont des mécréants, ce sont des gens qui, Jahannam, yani, est en train de l'attendre dès maintenant. Non. Et d'après eux, yani, ils adorent Allah subhanahu wa ta'ala, et ce sont les meilleurs. La meilleure nation, et ce sont les meilleurs gens chez Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, c'est comme ça d'après eux. Mais bien sûr, Allah ta'ala les a démentis, naam, et a montré que yani, ce qui les attend demain, ce n'est que l'enfer. Oulayadu billah. Naam. Fadda le prochain. Bismillahirrahmanirrahim. Mon frère et mes deux sœurs vont prochainement se marier. Inch'Allah. Les cérémonies de mariage vont se dérouler avec des chants musicaux traditionnels algériens. Je suis marié et vivons tous près de ma famille. Si je n'assiste pas aux cérémonies, je vais vexer toute ma famille. Mon mari ne veut pas que j'y assiste. Tout cela risque de créer des tensions. Que devons-nous faire? Barakallahu fik, Cheikh, wa jazakallahu khayran. Qu'Allah vous renforce et vous comble. Allahumma amin. Tfadal, Cheikh. Alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Naam, je comprends très bien cette question. D'ailleurs, cette question, je crois que je l'avais sur le Gmail. Je devais y répondre, mais je n'ai pas eu le temps. Naam, je disais que. Je disais, je suis moyen. Mon mari ne peut pas que j'y assiste tout seul. Naam. De préférence, Wallah subhanahu wa ta'ala alam, il faut assister, mais ne pas assister où se passe la chose. Naam, pourquoi? Parce que si on ne va pas se mariage, on risque de couper les liens avec les gens et couper les liens avec la famille. Qu'est-ce qu'on fait? On peut y aller, mais ne pas rester où il y a la musique, ne pas rester où il y a ceci, être dans une chambre, s'enfermer dans une chambre et comme ça. S'éloigner, s'éloigner, trouver une excuse, aller aux toilettes, aller ceci. Naam. Car si on n'y va pas, naam, on risque de couper les liens pour de bon. Sauf si on sait bien sûr que si on n'y va pas, il n'y a rien. Dans ce cas, on s'excuse, on dit on ne peut pas y aller. Mais si on sait que yani, vraiment, on risque d'avoir beaucoup de problèmes après, de rompre les liens, etc. On y va, mais on n'y va pas là où il y a la fitna. On n'y va pas yani, à la salle. Non, mais on va à la cuisine. On va rester dans une cuisine. On reste dans une chambre là-bas avec des femmes en train de parler comme ça. Non. C'est mon avis. Non, c'est mon avis. Et je l'ai lu ça aussi. Je l'ai lu ça aussi. On a posé une question pareille à un savant. Je ne me rappelle pas c'est qui. Il a dit qu'elle essaie en même temps de maintenir les liens. Et en même temps de s'éloigner de l'endroit, parce qu'on lui a posé la question, est-ce qu'une personne, si par exemple son père ou la va faire un mariage et que il y avait de la musique ici ou quelque chose comme ça, est-ce qu'elle peut, comment dire, cuisiner, etc. Il a dit non, il a dit l'essentiel, elle n'achète pas des choses haram ou là, elle ne cuisine pas des choses haram ou là. Maintenant, elle cuisine pour le mariage, c'est tout. Et celui qui a ramené la troupe musicale ou là, c'est lui qui a les péchés. C'est pas moi qui ai les péchés. Moi, l'essentiel, je n'assiste pas quand il y a la musique. Je m'éloigne. Je vais dans le jardin ou là, je vais dans une autre chambre ou là, je fais la sieste ou là. L'essentiel, ils m'ont vu. Ils ont dit, Alhamdoulilah, elle est venue pour ne pas couper les liens. Et ça, c'est adhaf l'iman, comme on dit. Mais je n'ai pas dit qu'il faut assister où il y a la musique. Ah, je n'ai pas dit ça. Naam. Wallah subhanahu wa ta'ala alam. Surtout, je dois m'arrêter, inshallah ta'ala. Je me sens un peu fatigué, inshallah ta'ala. On se rencontrera, inshallah ta'ala, mercredi, dans Sharh Riyad Salihin, à 20h30, bi'idhna azza wa jal. Naam. Et d'ici là, je demande à Allah subhanahu wa ta'ala, azza wa jal. Naam. Allah subhanahu wa ta'ala, en arabe. Naam. الله سبحانه وتعالى بأسمه الحسنى وصفته العلى أن يكشف الغمة عن هذه الأمة وأن يعز دينه ويعلي كلمته وأن ينصر أولياءه وأن يخذل أعداءه وأن يجعل كيدهم في نحورهم وأن يكفي المسلمين شرهم إنه ولي ذلك والقادر عليه وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك